Je pensais que j'allais arriver, que tu étais en train de jouer à GTA. Et non. Bah quelque part, ça, je m'étais dit, cool, j'aime bien avoir joué à GTA. Eh, mais non. Oui, c'est vrai. Bah non, parce que c'est mercredi. Bah oui. C'est parce qu'on est en même temps, on enregistre souvent le mercredi. Bah c'est ça. C'est un petit peu notre jour. Ouais. C'est le body karaté. C'est This Is Us. C'est ça. Est-ce qu'on y va-t-il ? Quand ça ? Bah maintenant. D'accord. J'enregistre alors. Oui, vas-y. Clic. Une minute et demie, ça fait trop long. Non, c'est d'intro. 30 secondes, c'est bon. Ah oui, c'est là qu'on démarre. Et bon, bah, bienvenue à l'épisode 17 de cette saison 2 de Road to Hellfest, ou comme on aime l'appeler, l'épisode après Tagada. Voilà. Si, c'est comme ça. Oh, ça va bien taper. Joli. Donc, à ceux qui ont écouté l'épisode 16, vous attendez pas du mieux dans celui-là. Non, non, non. On a tout donné. Voilà. Ouais, donc voilà. Maintenant, il nous reste plus rien. Il nous reste que nos yeux pour pleurer. On est lessivé. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a vérifié tout à l'heure l'écoute, mais on n'a pas vérifié le fichier de base. Ouais. Bon, écoute. Au pire, on aura foiré une émission. Voilà. On dira on est désolé, on n'a pas fait exprès. L'épisode 17 en même temps. Qui écoute encore à ce niveau-là ? C'est clair. Alors, donc. Ah, j'ai mis. Ah oui, fil de l'épisode, j'ai mis merci, mais c'était quand je te répondais à toi de la dernière fois. C'est... Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc, alors, comment que ça a été la bonne semaine ? Bah, bonne. C'est marqué tu comme viens ça. De le dire. Bah, ça a été marqué. D'accord. Moi, ouais, ça tape automatiquement. C'est tout ça. Mais c'est pas moi qui prépare. On est un producteur. Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est vrai. Donc. Toujours pas été payé d'ailleurs. Non, bah, ça par contre. Faudrait qu'il y pense. Faut qu'on en parle avec les gens de la paye. C'est, oui, voilà. Parce avec la comptable. C'est ça le mot. Merci. Avec la comptable, parce que c'est quand même pas normal. Ça fait deux saisons, quoi. Bah, ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura fait l'équivalent de deux saisons, de une saison dans la deuxième. Ouais. Ça serait peut-être temps qu'on touche quand même un petit truc. Bah ouais, un petit bonus. Déjà qu'on est sympa et qu'on nous dit, bah venez avec vos propres bières, et on le fait. Déjà. Bon, bah on les boit aussi, mais la question n'est pas là. Non. Qu'on utilise ton local de ta maison et que... Ouais, c'est vrai. Qu'on utilise ton matériel. Mon matériel, c'est scandaleux. Enfin, ça ne nous dit pas comment était ta semaine. Ma semaine... Bah ça a été. Cool. Ouais ça a été, hein. Tranquillou. Alors pas du tout de demande au niveau de ta voiture, je pense que le sujet est fini. Voilà, c'est ça. Le débat est clos. Tant mieux donc. Oui à 65%. C'est une majorité écrasante. C'est une majorité écrasante, tout à fait. Bon bah écoute, dans ce cas-là on va y aller. Alors, on merci. Va directement. Voilà. Et ben puisque tu me le demandes, moi ça va. Bah attends, j'allais y venir. Et toi, dis donc, comment que c'est-il que s'est passé ta petite semaine bonne ? Et ben en fait, comme on a enregistré le lundi au lieu du mercredi, on a eu deux jours de plus. Ouais, c'est fou. Hein. C'était bien. Mais c'était un petit week-end tranquille. Ouais, en fait. C'était ça, ouais, c'était cool. Ouais. Ouais. Non, c'était sympa. Puis bon, bah non, rien de spécial, c'est la reprise du travail, se lever au milieu de la nuit, être fatigué comme il n'y a pas. Tu sais ce que c'est, hein, toi-même. Oui. C'est vrai que je l'ai fait. Voilà. Et du coup, je ne le referai pas. Allez, ne perdons pas plus de temps. Essayons d'être dynamiques. Voilà. On allez, enchaîne avec les news du festival. Alors, cette semaine, deux news. Ah ouais, quand même. Ouais, mais j'ai fait un petit peu les fonds de tiroir. Ouais. Boutanesca. La première news constitutionnellement est au sujet du site qui a été enfin mis à jour. On peut voir tous les groupes avec une petite fiche de présentation par groupe, leur jour de passage ainsi que les scènes sur lesquelles ils vont évoluer. D'accord. Bien entendu, c'est grâce à ça que nous allons pouvoir vérifier tous nos précédents pronostics. Tout à fait. Ce que je n'ai pas encore fait parce que tu sais, tu te doutes. Ah si, attends. Dis-moi. J'allais dire, oui, bah, mon projet d'écriture avance bien. Ouais, alors, il avance bien ? Bah, j'ai pas écrit aujourd'hui, donc il va falloir que je le fasse après ça, donc il va falloir y aller. Et mollo sur les bières. Voilà, tout à fait. Sinon, dans une semaine, donc on sera au prochain podcast, donc l'épisode 18, j'aurai fini. Cool. Tu nous en diras pas plus ? Bon, ça intéressera pas grand monde. Ça parlera d'hypnose. Ok. Ouais. D'accord. Très bien. Et en mars, j'attaque... mon guide pour apprendre à écrire, pour ceux que ça intéresse. Il est déjà précommandable sur mon mail. Voilà. Au prix de 5 euros. Ça va. Bon, chose. C'est correct. Bah, pour un truc qui n'est pas écrit encore, ouais. Ça va. N'hésitez pas pour ceux que ça intéresse. En fait. Non. C'est une méthode exclusive. En 30 jours, montre en main, enfin crayon en main, ouais. Vous repartirez avec un premier jet prêt à. Voilà. D'accord. Ok. 5 euros. C'est ça que tu voulais me dire tout à l'heure ? Enfin, que tu... Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Non, il y a un truc que tu m'avais... Ouais, je te dirai pendant le podcast. Ah oui, non, non, pas du tout. Oui, non, d'accord. Ça... Bah, j'ai fait, ouais, un ascenseur émotionnel. Oui, c'est ça. Wow. Voilà. Donc, reprenons. Bon, les news du Hellfest, on s'en fout. Le 23 mars, nous allons voir Machine Head. C'est le 22. 23, je crois. Bon, le jeudi 23 ou le jeudi 22, nous allons voir Machine Head. Le vendredi 23 ou 24, du coup, moi, je vais faire les photos au tremplin des Hétéroclites. Il se trouve que le Normandie, donc la fameuse salle de concert où nous avons eu la chance de voir Tagada Jones la semaine dernière, il y a 15 jours. Oui, 15 jours. C'est ça. M'a contacté parce qu'en fait, il y a leur photographe attitré qui a des indisponibilités sur certains jours. Et donc, on m'a donné la liste des concerts auxquels je pouvais participer. Il y en a un qui tombe donc le samedi 24 ou 25. Et je suis très embêté. Parce qu'en fait, je pense pas qu'il était indisponible. Je pense qu'il a volontairement dit « je serai pas là ». D'accord. Mais en fait, tous les groupes hein, que j'ai eu dans la liste, j'ai fait « ah, mais celui-là plus particulièrement ». À titre d'information, quelqu'un chez moi a dit « si tu vas à ce concert, je ruine ta réputation ». Déjà, cette personne, très gentille, croit que j'ai une réputation. Déjà, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Temps. Il s'agit du concert des bébés brunes. Oh, ah, la vache. Alors, est-ce que tu imagines l'ascenseur émotionnel ? Hé, notre photographe est pas là. Si ça te dit, tu peux venir le remplacer pour shooter les bébés brunes. Oh, putain, la vache. Et la chute. Voilà, je m'en suis toujours pas remise. Et je l'ai appris au boulot. Et j'ai passé les quelques heures qui me restaient en me disant... Attends, est-ce que t'es un photographe de concert de métal ou juste de concert ? Attends, mec, t'es pro ? C'est ça. C'est ça. Gros dilemme. Non, je pense que je vais pas pouvoir. Après, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Quoi, je le vois demain soir, normalement, le gars du Normandie. Donc, je vais discuter avec lui, je lui dis, écoute, je veux bien faire un effort, mais là, je pense que j'aurai la gastro. Là, c'est un petit peu au-dessus de ce que je peux accepter. Voilà, je... Dis-moi, ah, faut être franc. Et puis tu sais, en plus, j'ai été jusqu'au bout. J'ai dit, attends, je vais quand même réécouter 2-3 trucs, voir s'il n'y a pas moyen de sauver des meubles. Et... Non. La première chanson, elle commence comme une envie de taper quelque part. Quand j'ai eu cette révélation-là, quand il a commencé à chanter, j'ai eu aussi envie de taper. Sur lui ? Oui. Oui. Le chanteur. Bah, oui, bien sûr. Enfin, les mecs du Normandie, ça serait complètement. Voilà. Inapproprié. Alors, donc revenons à nos moutons. Tout à fait. En parlant de moutons, nous parlons bien sûr de tous ces connards qui achètent leur place sans connaître ce qu'ils n'ont pas. Donc, le site est mis à jour. On sait enfin donc, où va jouer tel groupe. Et en plus, si on peut même savoir à peu près leur place dans la journée, parce que rien n'est arrêté sur le running order, mais tu as quand même les grosses têtes d'affiche un peu plus hautes. Ouais. Tu as à peu près 9 groupes par scène, sauf la main stage 2 qu'on a 8, vu qu'ils alternent les deux. Ouais. Donc tu peux vraiment arriver à peu près à situer le moment de la journée, grosso merdo. Ouais. Est-ce que tu avais vu ça ? Non, j'ai pas vu ça. Donc bah voilà, j'y suis pas y été sur le site. Eh ben tu peux y aller aussi maintenant. Ouais. C'est en ligne. Eh ben j'irai. Autre news du Hellfest. Tout à fait. Le 14 février dernier, aka de Saint-Valentin. Le savais-tu, Titi ? Que c'était la Saint-Valentin ? Oui, quand même. Après, je sais que la Saint-Patrick, ça doit être au mois de... Ouais, tu vois. Ouais. Voilà. Bah, c'était la Saint-Valentin. Il y a eu les Festival Awards qui ont élu le Hellfest meilleur grand festival avec 10 779 votes. Et de ce que je sais, ni toi, ni moi. Ouais. Non, non. Devant les Vieilles Charrues avec 10 066 votes. Ah ouais. Ouais. Et le Cabaret Vert avec 5 663 votes. Le Cabaret Vert. Cabaret Vert. Tout à fait. Tu vois, on parlait de la Saint-Patrick. Voilà, on n'est pas tout très ça, loin. Ça. Donc, je sais plus c'est la combientième fois qu'il gagne, mais au moins troisième, je dirais. Je crois, ouais. Donc, clap, clap, clap. Bravo. Bravo. Félicitations à vous. Quelque part, je pense que on y est un peu pour quelque chose, forcément. Ah bah, c'est clair. Parce qu'on l'avait dit. Allez voter. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que sur mon influence. Le 10 779, on en a peut-être 9 qui, à cause de nous, ont voté. Eh ben, voilà. C'était les 9 décisifs aussi. Techniquement, si... Ah non, il y a un peu plus. Donc, c'était tout pour les news du Hellfest, mais ce n'est pas tout pour les news de ce Festival Award. Le savais-tu ? Non plus. Le meilleur petit festival revient à Arsenic. Avec 4 771 votes. Arsenic, quand même, festival normand. À Briouze. représente les All-Stars du ghetto. Suivi de le mas des Escaravatiers. Tout à fait. Avec 3920 votes. Eh ouais, exact. Et en troisième place, mais la première dans notre cœur, le Motocultor. Motocultor. Avec 3618 votes. Mais ce n'est pas tout. Ah mince. Figure-toi qu'ils ont eu un deuxième award. Ah ouais. À savoir le prix... le prix spécial de l'innovation numérique. C'est bien ça. Avec l'application de la jeune start-up Vantaze Imagina, proposée par le Motocultor. Cette application innovante, reliée à un système de balises Bluetooth, propose aux festivaliers de manière automatique et intelligente l'information la plus pertinente possible au meilleur endroit du festival et au moment opportun. J'ai aucune idée de comment ça marche. Tu sais, genre, c'est comment la meilleure. C'est genre, t'es pas loin des toilettes et y a personne, vous pouvez y aller ou... Ah, c'est pas con. Je sais pas. Ouais. Je vois pas trop. Est-ce que ça s'adapte au téléphone ou pas? Est-ce que tu peux ouvrir les chiottes avec ton téléphone? Non, bah non, parce que plus besoin de QR code à scanner ou de technologie sans contact qui nécessite une action de la part d'utilisateur. Apparemment, c'est genre en automatique, quoi. D'accord. Genre, t'es là, vous êtes au milieu d'un champ, il y a rien. Ah merde. Tourner à droite. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt cool, hein, pour le Motocultor qui repart avec True Price, ça veut dire deux prix. Ça nous a permis de tenir quelques minutes de news. As-tu des news? Parce que sinon, j'en enchaîne. Tu me dis? T'en as pas? Très bien, j'enchaîne. Du côté de Metallica, savais-tu que le chanteur James Hetfield interprétera le rôle de Bob Hayward, le premier policier ayant arrêté le tueur en série Ted Bundy? Dans le film Extremely Weak, Shocking, Evil and Vile, basé sur la vie de Ted Bundy et réalisé par Joe Berlinger, également réalisateur du documentaire Some Kind of Monster, de et avec Metallica, qui est un putain de chef-d'œuvre à tous les niveaux. Voir un groupe qui laisse autant rentrer des caméras dans leur intimité, mais ils se sont fait autant moquer d'eux que gagner en respect, en fait, parce que quand même, quand tu les vois tous les quatre comme des cons, enfin tous les trois comme des cons avec un psy qui est en train de leur expliquer ce qu'ils doivent faire, et que t'as James qui a pas trop envie de qu'on vienne lui dire quoi faire, et ouais, ouais. Et dans le même temps James qui est en train d'expliquer à Lars, écoute, faudrait qu'on arrête l'enregistrement à 17h parce que moi je dois aller chercher ma fille à la danse, que Lars qui est pas très grand face à James qui est plutôt grand, et qui dit non, écoute gars, je fais ce que je veux, personne m'a empêché de faire ça, et que t'as cœur qui est à côté qui fait oh merde, ça va partir en vrille. C'est vraiment du. Enfin, c'est vraiment de voir comment le groupe qui arrive à un moment charnière et descend et puis il remonte. Et... Enfin, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper bien fait. Voilà tout ce que j'avais à en dire sur cette news. D'accord. À ton tour. Et oui, donc je le savais, enfin. J'ai... Enfin... Bah, oui. On a même des photos de lui. Oui, dans le rôle. En tenue. Exactement. Voilà. Non, moi j'ai que une news, hein. Festival, histoire de changer. Bah oui, c'est un petit peu ton domaine de près. Voilà, tout à fait. Première édition du Festival 666, à Cersou dans le 17. C'est le chiffre du diable. Voilà, donc avec... c'est pas faux. Avec donc à l'affiche Tagada Jones, Laura Cox Band. Oh là là. Ed Charger. Eh, hey, des amis. Ouais, des frères. The Decline, Jim, Bombers et Silver Machine. Donc, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est pas tout? C'est où? T'as dit? Dans le 17. C'est à Sercooks, je pense que c'est... Ah, mais faut qu'on y aille. Tout à fait. C'est quand? C'est le 25 août 2018. Ah, oh, merde, on peut pas. Eh non, moi non plus. Merde. Pourquoi je... Pourquoi? Bah, c'est l'été. Ah, c'est ça, ouais, c'est l'été. Et puis toi, tu vas pas peut-être... Je sais pas, on va voir. Très bien. Très bien. Eh bien, merci pour cette news. C'est dommage, il y avait beaucoup de frères de métal à nous là-dedans. Mais ouais. On aurait pu y aller ensemble. C'est vrai. Première édition, quand même. Donc on leur souhaite... Ah, le mieux, hein. On essaiera de les taguer si j'y repense, mais grave, voilà. Hein, on est avec vous, les gars. On est toujours fervent défenseur de tout ce qui est admirablement défendable. Ouais. Engagé. Engagé. Skindred a sorti un premier clip, Makin, pour faire patienter les fans jusqu'au 27 avril, jour de sortie de Big Thing, leur nouvel album, bien entendu. Tout à fait. C'est un titre qui est plutôt efficace, on l'a écouté tout à l'heure, ouais, marche bien. Ouais, c'est du Skindred, quoi. Tout à fait. J'ai une autre news assez intéressante. Dis-moi tout. Le nouveau Tool commencera à être enregistré en mars. Mm-hmm. Chose étrange, vu qu'on a déjà eu des news qui disaient que certains musiciens avaient entendu du matériel de cet album. Donc moi, bêtement, je pensais qu'ils avaient entendu genre des morceaux d'enregistrement, mais en fait, ils ont dû entendre des versions démo et tout ça. Du coup, moi, je pensais que le nouveau Tool était enregistré, prêt à sortir, et en fait, non. Non. Je vais devoir encore patienter. C'est ça. Et j'aime bien Tool. Bah oui. C'est sympa. Ça fait de la musique qui est stylée. Mm. Ça fait des... Enfin, bon, faut la connaître. Ouais, bah, c'est la 8. C'est la 8. Ah, ok. Tu la connais? Bah oui. Ensuite, deux autres news peu importantes. Ouais, oui. Mais une, parce qu'elle m'a fait rire. Vomitor sortira son nouvel album intitulé Pestilent Death le 20 avril. Voilà. J'imagine. On appelle comment le nouvel album? Bah, pour Pestilent Death. Oh, tu crois pas qu'avec Vomitor ça fait beaucoup déjà? Non, je pense que les mecs ils en ont jamais assez, justement. Et du coup, bah, j'ai écouté 30 secondes d'un single et puis bon. Pff, voilà. Alors, Terror Universal, groupe dont j'ignorais l'existence même. Flûte. A sorti son premier album intitulé Make Them Bleed le 19 janvier. D'accord. C'est un groupe de metal horror. Mmh. Donc un metal horror band. A savoir que le groupe a dans ses rangs Dave Chavary, le batteur de Il Niño et Ex Soulfly, Haru Luster, guitariste de Il Niño et Ex Machina La Période Sombre. Il Niño. Il y a aussi des invités sur l'album, et ils portent apparemment des masques de démons un peu trop copiés sur celui de Corey Taylor pour le chanteur. J'ai écouté Frog the Mirror et Dig You a Hole. Ça se laisse totalement écouter, le côté horreur il sert à rien du tout, c'est juste pour dire on a des masques sur la gueule. Ouais. Voilà, c'est une espèce de néo-métal efficace que plutôt propre. Voilà, je l'ai écouté, c'était en fond tout à l'heure. D'accord. J'irai écouter l'album parce que je suis d'une curiosité insatiable. Mmh. Mais sinon, c'est pas ouf dingo, quoi. Ouais. Mais je te le conseille quand même. Ouais. Jette-y une oreille. T'en as deux en plus, au pire, il t'en reste une. Ouais, éventuellement. Alors, autre news, Bob a écouté le dernier Turbo Negro. C'est marqué. Ça, c'est de la news. Ça, c'est le produit. J'espère que ça vous fait plaisir. Et on en a parlé la semaine dernière, donc là, tu dois donner ton avis. Ah oui, d'accord. Eh ben, il est sympa. Tu le trouves comment, alors, cet hommage? Eh ben, il est sympa. Tu trouves pas qu'on reconnaît un peu... Enfin, on retrouve, non. Pour le fait, je suis toujours... Là, c'est l'hommage qui est quand même un petit peu tiré vers du pompage, un peu, quand même, des fois. Un peu, oui. Quand même, des fois. Ouais. Un peu. Mais il est sympa. Ce qui le rend sympa. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé. Mais après, ça reste un hommage. Oui. Même si tu pompes, je veux dire. Oui, c'est toujours l'excuse qui marche le mieux. Mm. C'est comme nous, hein, notre podcast, c'est un hommage à Sim. Paix à son âme. Voilà. Il est mort ou... Oui, il est mort. Ouais. Et Jack a écouté The Legend of the Seagull Man. Et qu'est-ce qu'il en a pensé, Jack? Eh ben, Jack, il va pas l'acheter comme Bob. Non. Non. Parce qu'il n'a pas trouvé ça nul, mais il a trouvé ça un peu mou du genou quand même. D'accord. Il a écouté, une fois où c'est passé vraiment comme ça, il a dit « Ah tiens, rien ne m'a accroché ouais. ». Donc il l'a réécouté une deuxième fois en disant « Ah tiens, bah, ça n'a pas beaucoup plus accroché ». En fait, j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai trouvé ça vraiment comme dans une playlist. Ça passe. Ça passe, mais il n'y a rien qui m'a retenu un petit peu l'oreille pour me dire « Ah tiens, ça j'aime bien ouais. ». Je vois pas... autant, si on ne fait que de citer ce groupe, mais Killer Be Kid, là, m'a tout de suite pris, m'a mis 2-3 petits coups de high kick dans la gueule. Et, ouais, mais même là, je trouve que... Bon, c'est plus rentre dedans, quand même, hein, Killer Be Kid. Oui, mais après, ça peut aussi ne pas faire effet. Tu vois, ça peut te rentrer dedans. Bien sûr. Et là, bah, sans être... Puis ils sont tellement dans leur truc d'homme de la mer. Que ça... Ah ouais, non, mais on l'entend souvent. Hein. Ah ouais, Sigulman. C'est un concept groupe, le truc. Ouais, mais c'est pas nul, mais ça m'a pas branché. Oh, c'est plus le côté original, moi. Ça part un peu dans tous les sens. C'est ça que j'aime bien. Ah, tu as eu... J'ai un petit souci d'accrochage avec ma chaise. J'ai cru qu'il y avait un fantôme, mais non. Non, il y a un ébit. Il l'a dit, c'est rigolo. Voilà, donc c'était tout pour les news. Est-ce qu'on passe aux chroniques? Bien sûr, tout à fait. Ça fait j'entends bien. Ça fait 20 minutes. Temps, tu me le dis. Hein, si écoute, je ne sais pas, ça peut aller. Qui commence-t-il? C'est moi qui ai commencé la dernière fois. Ouais, c'est fort possible, ça, dis donc. Eh bien, je t'en prie. Alors, attends, parce que dis donc. Ah, ben voilà. Il fallait juste que je retourne. Donc, moi, j'avais Céleste. Ah, attends une seconde, parce que tu m'as dit que tu avais écrit sur Bah en fait j'ai commencé comme ça et puis il y a un moment je devais faire les tartiflettes. D'accord, donc en fait... Alors du coup je me suis dit tiens je vais essayer de faire un truc plus rapide. Ah d'accord, donc en fait t'as fait les deux là. J'ai fait les deux. Ah donc t'es un peu en test. Je suis en test, ouais, totalement. Classe, ouais, je vais voir, donc après je ne te garantis pas le résultat. Hein. Écoute. Mais bon après tout, je veux dire c'est comme ça toutes les semaines. Je ne garantis jamais le résultat. Ah oui, non, non, il ne garantit jamais rien. Non. C'est comme ça. Et c'est ta force. C'est ouais. C'est ma passion. Bob, passion... Extrême limite. Ah, c'était ça ta ref? Ah, je l'avais pas, pardon. Je ne l'avais pas. Ah, la vache. Ouais, non, je m'excuse. Ah non, après, c'est comme ça. Je t'en prie. Donc, Céleste, eh bien... Cocorico. Voilà. Merci. On applaudit ou plus? J'ai plus... Non, Cocorico. Cocorico. Voilà. Groupe français. Et oui. Lyonnais. C'est ça. Des petits Lyonnais. C'est ça. Riches de 5 albums. Quand même. Ah, quand même. Malgré tout. Groupe de black metal actif depuis 2005. Mmh. Et voilà, voilà. Un premier EP en 2006, puis le premier album en 2007. Nihiliste de son nom, cet album. Oui, très bien. Voilà. Donc, c'est du black metal. Tout à fait. Donc. Et tout à fait. Non, j'ai pas... Non. C'est du black metal. Voilà. Oh, t'es dur. Non, mais c'est pas... Franchement, t'as écouté? Ah, j'ai écouté un album, ouais. T'as écouté un album, carrément. Ouais, ouais, le dernier, ouais. T'es un grand malade, toi. J'ai rien, moi, dans ma vie. J'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de chat. C'est ça. Pas de Switch. Pas de Switch, rien. Non, bah... Après, que dire, voilà, j'ai pas accroché du tout. Non, mais j'ai écouté 3 titres, je crois. En entier ? Ouais, en entier. Ah, bon, ouais, non, moi, c'est bon, t'as fait ton quota. Moi, je sais qu'au-delà de 3, on peut pas te demander beaucoup plus. Donc. J'ai laissé passer, mais il y a un moment, je dis non, c'est plus possible. J'avais les mains pleines de patates, j'ai été rechercher autre chose. Quoi. Non, alors, moi, de ce que j'en ai écouté, j'ai trouvé ça pas désagréable pour du black metal. En fait, je trouve que c'est un groupe qui pourrait rentrer dans le black metal que je peux écouter, mais encore une fois on est loin de je vais acheter un album pour le mettre de chez moi, mais qui ne me dérange pas, quoi. Faire écouter à ma femme tout ça. oui, si j'en avais une, c'est ça. Mais j'espère encore Switch. Si j'en avais une aussi, ouais. Sinon je ne sais pas si tu l'as regardé, mais il passe donc le vendredi sous la vallée en 4e groupe. Ah ouais. Mm-hmm. Fou dingue. Mais techniquement c'est pas forcément qu'un groupe de black, hein. J'ai peut-être pas écouté le même Céleste. Si, bah, si, je pense. Ceux avec les femmes, un truc avec des femmes. Ouais, les pochettes sont toutes en noir et blanc. Alors, toutes, je sais pas, mais celle-là, peut-être. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange de sépia, noir et blanc sur les deux premières. Bah, c'est des connards. Après, sépia, c'est des connards. Ça dégage. Il y a pas sépia, il y avait. Il devait y avoir Calou. Oh, pardon. Ah, elle était horrible, celle-là, je sais pas comment. Ouais, non, bah, c'est pour ça que je l'ai arrêté en cours. Hein. Ah, ouais, mais. Ah, ouais, non. Je la sentais mal. J'espère que personne l'aura remarqué. Non, personne ne va l'avoir remarqué. On va perdre toute l'audience. Black metal, post-hardcore. Ouais, mais c'est ça. Oui, bah, post-hardcore déjà. Ah, d'accord. Pour moi, il y a des petits trucs. Ouais, bah, je... Attends, je vais noter. Non, je te dirai pas, ça te plaira pas. Ça te plaira pas. Non, bah, t'as un album à me conseiller. Ah, normal, le dernier, ouais. La 8. Mais c'est peut-être ce que t'as écouté, toi. Qu'est-ce que j'ai écouté, lequel, moi? Je crois que j'ai dû écouter le premier ou le deuxième. Ah, mais oh, faut toujours écouter d'abord le dernier. Écoute, je vais mettre le dernier. Non, encore une fois, je suis pas en train de dire que... Vas-y, écoute, alors c'est trop bien. Moi, j'ai écouté... Non, mais si tu me dis que c'est du post-hardcore black metal, celui-là. Ça peut être différent de du... Ah non, j'ai pas écouté celui-là. Bah, moi, j'ai écouté celui-là. Ah bah voilà, c'est pour ça. Non, c'est pas... Écoute les premiers. T'as écouté les premiers? Alors non. Ah bah voilà. Mais pourquoi? Parce que les premiers black metal, ils ont toujours un problème. Je pense qu'on va se battre. Ok, je vais péter cette bière en deux. Et je vais t'égorger, moi. Je vais me défendre. Fais gaffe, j'ai des meubles. C'est vrai. Plein. Donc, Céleste, le dernier. Le dernier, donc. La 8. Attends, je sais pas s'il y a 8 chansons. Voilà. Comme ça, t'es content? C'est infidèle, le dernier. Infidèle. C'est infidèle. Infidèle. Ouais, bah tiens. J'espère qu'on entend bien le bruit du feutre. On entend très très bien le bruit du feutre. Voilà. Infidèle. Donc... Est-ce que tu le recommandes? Oui, tout à fait. Surtout infidèle. La 8. Ok. Bon, bah, je vais passer à mon premier groupe. En plus, j'ai pas mal de lectures, moi. Ah bah, ça tombe bien. Je vais passer à Accept. Et donc? C'est un groupe de heavy metal allemand, originaire de Solingen, petite ville qui occupe la frange nord du pays de Berg, au sud de la Ruhr. Bien sûr. Ça, c'est important. Petite info, car ici, on s'amuse et on apprend. Soling est appelée la ville des lames, car c'est sa spécialité depuis le Moyen-Âge. Encore de nos jours, 90% des couteaux allemands y sont forgés. Sérieux ? Ouais. Tu vois, mais c'est carrément bien. Il est fondé par... Donc, par pas les couteaux. Mais accepte, est fondé par le chanteur Udo Dirkschneider et par le guitariste Michael Wagener. Ouais, ce que je me dis, si en plus il fait des couteaux, le mec. Mais il n'a pas beaucoup de temps. Ouais, hein. C'est clair. Donc, le groupe débute sous le nom de Band X en 1968 avant de prendre le nom d'Accept en 1971. Le groupe est notamment reconnu pour avoir joué un rôle important dans l'essor du speed metal avec leur chanson Fast as the Shark. C'est marrant. Bah ouais, ouais. Le speed metal. Ouais. Fast as the... l'album Balls to the Wall, sorti en 1983. Est vu comme l'un des disques classiques de l'histoire du métal. Carrément, ouais, ouais, c'est pour ça. Au cours des années 80, le groupe connaît un succès important et est souvent considéré comme la seconde figure importante du heavy metal allemand après... Non. Dis-moi, vas-y. Scorpion. Ah ouais. Bah, putain, j'ai pensé à eux, mais est-ce que j'arrive c'est pas à dire le nom, en fait. Est-ce que c'est pas un peu les boules? Bah si, sur le mur, maintenant. Bah c'est ça. Donc en fait, j'ai pas mal d'histoires du groupe, parce qu'il y a quand même des trucs qui m'ont fait rigoler. Malheureusement, à tout succès, toute controverse. Mince. Toute controverse nécessaire. Et le groupe fait également l'objet de quelques réclamations. En France et en Pologne, il est accusé de sympathie nazie, car le chanteur avait tendance à porter un costume paramilitaire et le fait qu'ils étaient allemands. Super. Oh, super. Autre polémique à double tranchant, à la sortie de l'album Russian Roulette en 1986, aux États-Unis, l'album était vu comme de la propagande pro-russe avec un sticker sur chaque disque insinuant que l'album faisait la promotion implicite du régime communiste de l'URSS et invitant bien sûr les auditeurs à être prudents et à ne pas prendre leur texte à la lettre. Double tranchant, ai-je dit, parce qu'en URSS, l'album connaît le même problème. Où il était reçu comme de la propagande anti-russe, principalement à cause de la pochette qui montrait les membres du groupe habillés en anciens militaires russes et se prêtant au jeu dont est tiré le nom de l'album, savoir une bonne russienne roulette. C'est pas de bol quand même. C'est vrai. De deux côtés, ils se font niquer la gueule. Dernière polémique, leur album Balls to the Walls fut qualifié de premier album de gay metal. Puis, il fut dit qu'il parlait en fait du mur de Berlin. Mais selon un membre du groupe, dont je n'ai pas le courage de retrouver le nom, pour lui, personne n'a pris la peine de lire les paroles, ça parlait de minorité et c'est tout. Le temps faisant son office, ces différentes controverses prirent toutes des chemins différentes. Mmh. En 1989, le groupe a tenté de faire du FM metal, à la manière de Bon Jovi, un peu avec Hit the Hit. Oula. Première pause en 89 jusqu'en 92, reformation. Mmh, normal. Seconde pause en 96, reformation en 2005. 27 août 2005, troisième pause. Ah ouais. Ils sont fatigués, les mecs, quand même. Reformation en 2009 et en 2017, l'album The Rise of Chaos qui reprend la recette d'Accept avec un son plus moderne. C'est l'album que j'ai moi le plus écouté. En 1983, la chronique d'un des magazines français de l'époque pour l'album Balls to the Walls fait en fait. Il résume vachement bien tout ce que je pourrais dire sur Accept. Rien dans la musique d'Accept n'est fondamentalement original et pourtant. Accept n'est pas un nouveau Led Zepp ou Deep Purple, mais un héritier qui a su assimiler tout ce que lui ont légué ses aînés pour se frayer sa propre voie royale. En fait, c'est un peu ça. C'est que tu retrouves des influences un peu de tout ce que tu as déjà écouté à droite à gauche. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original. Ça se laisse écouter. Moi, je préfère vraiment le dernier album parce que les chansons sont bien faites et tout, mais le son est beaucoup plus moderne, alors que dans les autres, j'ai vraiment l'impression d'écouter du vieux heavy metal. Mais du vieux, pas ouf, quoi. Mmh. Du vieux sympa et pas ouf. Et j'en discutais avec un collègue de boulot qui lui aime beaucoup vraiment d'anciens albums, il a pas dû écouter le dernier. Il me dit Accept, c'est trop bien de ça. Et moi je dis bah, il y a rien qui me hype trop, quoi. Le dernier album, j'aime bien l'écouter, il est bien passé. Il passerait très très bien dans une playlist. Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai pas trouvé ouf, ça sonne un peu trop vieux pour moi dans le style. D'accord. Il y a pas d'évolution pour moi. Ouais, c'est un peu le heavy metal à papa, quoi. Un peu, ouais, ouais. Un peu, mais c'est juste. Parce que c'est pas mon style à moi, mais les gens qui, je pense que ceux qui ont aimé Accept doivent toujours l'aimer parce que c'est un peu toujours pareil par contre. D'accord. Voilà. C'est tout pour moi. Et Accept jouera dimanche en Main Stage 1 et ils sont classés 5e groupe. 5e en partant du bas ou du bah, dans l'ordre d'où ils vont jouer. Enfin, d'accord. Vois, donc 5e, ça doit faire en début d'après-midi, au milieu d'après-midi. Ouais, plus fin d'après-midi. Ils font des 7, ouais, ça dépend des 7 bah, aussi. Bah oui, c'est pareil. Ouais, et puis comme ils alternent entre les deux. Au fur et à mesure que ça monte aussi, quoi, le temps. Ouais. Du coup. Okidok, merci à toi. Oh, ce fut intéressant. Bah oui, j'ai trouvé aussi. Non, mais quand même, ils ont quand même fait 3 pauses. Hein. Ouais, c'est ça. Donc la dernière. Pas de la petite pause. Hein. Bah ouais, non, mais la dernière, quand même, ils ont arrêté en 2005, repris en 2009, et après. Depuis 2009, ça va, mais il y a quand même. Voilà. C'est... Ouais, peut-être qu'ils vont refaire. Ah oui, 2009, ouais, donc oui, quand même. Bah ça va, ils sont dedans. Mais... Ouais, ça va, ils tiennent quand même. Mm. Comparé à ce qu'ils ont pu faire. Hein, bien sûr, chaque reformation et chaque séparation, c'était le départ de membres de groupe et tout. Ah ouais, d'accord. Voilà, ouais, c'était le temps de. Comment on appelle ça le temps de faire son deuil, quoi, c'est ça? Ouais, bah, je sais pas, mais en même temps, tu sais, j'ai fait un peu court sur l'histoire, parce qu'elle est très très longue, l'histoire. D'accord. Une des plus grandes pages Wikipédia que j'ai fait pour l'instant. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, écoute, c'est avec plaisir. Ah bah écoute. Je vous rends la parole. Merci bien, vous êtes fort aimable. Putain, qu'est-ce qu'on se lèche la pomme, ça. C'est parce qu'on s'aime bien. Ah, c'est pour ça. Et donc, moi, j'avais ensuite Bongazilla. Groupe américain. Donc de heavy metal, sludge, doom, stoner. Oh. Moi j'avais écrit pas mal de trucs en fait là-dessus à la base. Tac, actif depuis de 95 à 2009 et depuis 2015. Donc c'est pareil, ils ont fait une petite pause. Ils ont fait une petite pause, ouais, pas mal. Petite pause quand même. Donc 4 albums, 6 EP. Et le thème principal de leurs chansons, on s'en doute bien sur les pochettes. Hein, bien vu hein, sur ce que tu as partagé. Oui. C'est le cannabis. Comme la musique de Toxicoman. C'est ça, tout à fait. Donc le groupe mêle des éléments de heavy metal, hard rock et southern rock, southern rock, pour les plus aficionados. En forme. Voilà. Donc il s'inspire de groupes catégorisés sludge metal, drone metal. Alors ça, c'est toujours pareil. C'est... Le drone metal. Je connaissais. De drone metal. Le drone, comme le drone, le petit engin qui vole. Ah merde. Le drone. Et metal. T'as pas été chercher Si, mais je vais y aller. Enfin, non, je vais y aller. J'y vais là. Non, bah, ouais, fini. D'accord. Donc, stoner rock. Donc voilà. certains critiques y voient même un mélange de stoner doom et de sludge. Attends, avec du southern rock et du groove blues. Voilà. Perso, je trouve que c'est un mélange de stoner southern, groove doom, sludge blues et groove rock. Mais par moments, ça ressemble à du doom doom, sludge stoner, groove stoner et blues stoner, rock doom, etc. etc. D'accord. Voilà. Bah, je me posais justement la question, à quel moment un groupe stoner part doom et doom redevient stoner ou pas? Ah, c'est par rapport à la musicalité. Ouais, mais du coup, parce que justement, moi, j'ai écouté un groupe qui était... Stoner Doom, et je le trouvais beaucoup plus Doom que Stoner. Je me disais, ah, j'ai peut-être raté les pistes Stoner ou le. En fait, je vois bien, ouais. Je vois bien le Stoner, je vois bien le Doom, mais quand le groupe fait les deux, j'ai du mal en écoutant à. En fait, j'ai du mal à leur donner deux catégories en fait. D'accord. Toi, tu trouves vraiment qu'il y a beaucoup d'influence dans le truc ou qu'il n'y a pas un truc qui se dégage dans le. Ah, bah là, moi, j'ai vraiment vu du Sludge Doom. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. C'est très prononcé. Est-ce qu'on pourrait pas dire justement que le stoner. Enfin, c'est plus facile de faire sludge doom que stoner doom? Bah oui, oui. Ah bah ouais, mais bah oui, ça se rapproche plus le bah ouais, sludge. Voilà. Bah je pense que. Parce que je trouve que justement de stoner. Stoner, normalement, a une sonorité un petit peu plus chaude, on va dire. Bah, et plus. Peut-être plus groovy. Plus groovy, voilà, ouais. Ça. Un peu plus rock'n'roll, enfin plus rock et plus, plus punchy. Bah ouais, un peu. Enfin, que le groove. Tiens, je m'y perds dans tout ça. Que le doom et le sludge, c'est un peu plus lourd, quoi. Ah bah, oui. C'est plus... Oui. Et du coup, oui, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais après, avec le stoner, du coup... Enfin, moi, après, j'ai des références un peu... Ma référence vraiment stoner, c'est Chaos, forcément. Bah oui. Donc, un groupe qu'on voit bien, quoi. Bah oui, qui n'est pas trop doom, pour le coup. Et derrière, après, j'ai découvert un peu le doom... Avec le groupe dont on parlait. Ah putain, j'ai trop de mémoire. Avec la nénette qui chante, la blonde. Ah, Electric Wizard. Ah oui. Et voilà, le sludge un peu plus avec justement Down, qui est un peu plus sludge. Et du coup, quand tu écoutes les trois, tu. T'arrives plus à visualiser. Ouais, tu visualises plus facilement, ouais, parce qu'ils sont bien, ils sont bien ancrés dans le ouais, truc. Ouais. Donc du coup, ouais, tu peux réussir à faire la différence avec ça. Mais après, voilà, bah, ce que j'ai écouté de Bongzilla, ça m'a pas forcément plu. Bah, moi non plus. Parce que c'est très lourd, quoi. Très très lourd. Hein. C'est vraiment. Bah, alors, je comprends pas trop le thème en plus, cannabis et la musique. Enfin, je trouve que ça colle pas trop, quoi. Bah, si, moi je pense que ça marche, mais faut être défoncé. Je pense. Ah, ouais, peut-être. Parce que... je sais pas. Moi je suis pas fumeur, j'ai jamais fumé de ma vie. Je trouve que. Moi je ne bois que de l'eau. Et je suis complètement resté en dehors de la musique, moi. Quand j'ai... Le peu que j'ai écouté, j'ai fait tiens. Ça m'a laissé en dehors. Ça m'a... Tu sais, c'est comme si je faisais du stop, bah jamais ça s'est arrêté pour me prendre. Quoi. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Ah oui, d'accord, je comprends l'image. Tu vois ? Tout à fait. Tu vois ? Je vois. Ouais. Mais ouais, non, franchement, ça, c'est trop lourd pour moi. Quoi. C'est un peu le black metal du... du stoner. Du stoner, quoi. Tu vois ? Ils vont jouer le vendredi à la Vallée. En sixième groupe. Non, parce qu'en fait, tous tes groupes, toi, c'est la Vallée. Mm-mm. Donc, t'es un peu un mec... Mais y a, en plus, quasiment, t'en as ça. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, Céleste, je savais pas... T'en as quatre du vendredi. J'aurais pas dit. En plus. Ouais, ouais. D'accord. Alors, le tirage au sort. J'imagine mal le tirage au sort de ce soir. Ah bah, t'auras pas vendredi, à mon avis, en Vallée. Non, non, mais je veux dire, j'aurais peut-être même pas de Vallée du tout. Ah bah, ça serait bien. Non, bon, on va voir après. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que ce groupe-là, Bongzilla, j'avais écouté ça il y a quelques années de ça. Avec les suggestions de ces deux groupes, ouais. Ce que j'avais écouté, je ne sais plus quel groupe que j'avais découvert. Et du coup, j'avais écouté, je crois, en plus, le titre que tu as dû poster, ou tiré de cet album-là, ouais. C'est sûr. Et ouais, je me suis dit, oh, la vache. Non, c'est pas pour moi, quoi. Ouais. Trop lourd. D'accord. Allez écouter, mais... Donc, voilà, tu recommandes. Avec parcimonie. Tu recommandes Je recommande, c'est dur à dire, en fait. J'ai pas vraiment de... Ouh là là. Oui, je recommande, avec parcimonie. C'est important. Très bien. Moi, mon deuxième groupe, c'est un groupe qui m'a posé un petit paradoxe. Ah, Les Biscuits. Exactement. Limp Bizkit est un groupe de nu metal américain originaire de Jacksonville, en Floride. Grand représentant du nu metal de par son mélange entre rap et metal, le groupe définit néanmoins sa musique comme étant du pimp rock. Du pimp rock. Du pimp rock. Un peu comme Pimp My Ride. Les gars de Pimp. Voilà. Ouais. Ça va. En 2010, Limp Bizkit dénombre 35 millions d'albums vendus à travers le monde. Eh ben ça va, les gars. Le nom du groupe est une déformation de Limp Biscuit, littéralement biscuit mou. Tu vois ? Oui, ben je savais. Oh, dis donc. Limp Biscuit est créé. C'est pas agréable, c'est vrai. Alors, est-ce que je l'ai déjà été ? Ouais, une fois. Ah. Ouais. Je me rappelle plus quand. Je devais dormir. Je l'avais noté. Je devais dormir, non ? Non, même pas, non, parce que même quand tu dors, t'es désagréable. Donc... Ouais, ça, c'est un problème que j'ai. Ouais, ça. Donc Limp Bizkit est créé en 1994 par Fred Durst et Sam Rivers, bassiste de son état. 94. Ouais, Sam appelle le cousin John, puis 2-3 guitaristes plus tard, il recrute Wes Borland, que j'aime beaucoup fort. Lors du passage de Korn à Jacksonville en 95, le bassiste du groupe, Phil Dee, se fait tatouer par Durst, qui gagne alors sa vie comme tatoueur, et une amitié naît entre les deux. Lors du passage suivant du groupe dans la région, Phil Dee repart avec une maquette qu'il trouve si impressionnante qu'il la remet au réalisateur Ross Robinson. Carrément. Grâce principalement au bouche à oreille, le groupe est choisi pour assurer la première partie de la tournée d'adieu de House of Pain, qui met aussi en vedette Deftones. Dans le courant de l'année 96, il enregistre une seconde démo dont les morceaux serviront de base à leur futur premier album. Peu de temps après, DJ Lethal, DJ de House of Pain, viendra compléter la formation. Bien sûr. S'ensuit un album qui marche pas mal, puis d'autres qui marchent beaucoup, beaucoup mieux, puis d'autres qui marchent moins bien. Mmh. En 2011 sort Gold Cobra, qui n'est pas ouf. En 2013 sort le premier single du futur album Stampede of the Disco Elephant, album toujours pas sorti à ce jour. Ah ouais. Et ils ont prévu de sortir quand du coup ? Il devait sortir fin 2017 déjà. Donc c'est un peu mal barré. Et j'ai un problème avec ce groupe. C'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, que j'ai été voir en concert, que j'ai adoré, que j'ai vraiment aimé le mélange, étonnamment rap-metal a beaucoup fonctionné sur moi. Mm-hmm. Forcément grâce à la production qui est quand même assez énorme sur le deuxième et le troisième album. Ce qui s'en est suivi après était beaucoup moins réussi. En plus, il y a eu le départ de Wes Borland qui était vraiment une fête. C'était presque la figure de pro du groupe parce qu'il y a Fred Durst qui est le chanteur forte gueule, qui se prend la tête un peu avec tout le monde, qui en plus est à moitié people, et Wes Borland, qui est le guitariste qui se maquille, qui est vraiment exalté sur scène, et qui est autant tout le monde habillé normalement, ou plus comme des rappeurs et tout ça, autant lui, il est vraiment en mode... chaque tournée devient le prétexte à un nouveau costume, un nouveau maquillage, chaque clip, il est vraiment hyper... il est hyper intéressant en plus comme musicien, parce que ce qui est pas mal dans leur musique justement, c'est le côté, ils amènent tous, on entend vraiment bien au niveau de la prod chaque instrument, et ça fait vraiment comme si c'était des samples un peu de musique. La section rythmique entre la basse et la batterie sont excellentes. Lui à la guitare, il vient vraiment faire des riffs, mais pas des riffs qui s'accompagnent pendant tout un morceau comme on peut l'écouter dans le reste des trucs de métal. C'est vraiment plus comme si c'était des petits bouts de riffs comme tu pourrais entendre en tant que sample de ce côté rap métal. Et j'ai beau ne pas aimer le rap, là le côté rap me dérange beaucoup moins, surtout je trouve en plus que le chant de Durst à des moments où il est énervé et crié, il le tient bien et j'y crois quoi. Et c'est ce qui m'a le plus frappé, parce que ça fait pas mal d'années que j'ai laissé tomber le groupe, parce que justement les autres trucs qu'ils ont fait par la suite étant d'un côté moins intéressants, enfin en plus il y a eu le départ successif de DJ Lethal et Wes Borland qui est parti plusieurs fois puis revenu, et puis en plus il y a eu des projets annexes où il était, comme la musique que j'ai postée sur la page, où il était chanteur et leader du groupe, où là il se maquillait plus, tout ça... Et il a aussi un autre projet, comme je t'avais déjà fait écouter, The Big Dumb Face. Et il a maintenant encore un autre projet avec sa nouvelle femme, qui est un peu plus jeune que lui, où il est guitariste et tout. Mais c'est pour ça que le mec, je trouve vachement intéressant. Mais tout ce que j'ai réécouté là pendant cette semaine, j'étais là en me disant, ah, Limp Bizkit, c'est plus ce que c'était. Et dans la tête, je disais, mais putain, j'aime bien. En fait, c'était ça mon putain de paradoxe, c'est que je sais que c'est un groupe qui est devenu hyper mainstream, qu'ils ont fait une tonne de tubes, mais qui est taillé pour les radios, qui est taillé pour marcher, et ça marche, bordel, ça marche sur moi. Tu vois, c'est vraiment le truc, soit ça parle à mon moi de quand j'avais 20 piges et que j'ai découvert et que j'aimais beaucoup, soit juste, bah j'aime bien, mais je peux pas dire le contraire, en fait. Je peux même pas faire genre, ouais, c'est cool, on crache sur Limp Bizkit, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment pas bien. Non, j'aime bien. Je trouve que, enfin, le mélange parfait de tous les musiciens, et même de parfois du chant un petit peu rappé, j'aime bien, alors qu'à côté de ça, je trouve... la musique vachement simple, je trouve les paroles à chier, mais vraiment à chier. Quand t'entends Fred Durst qui dit qu'il a vu Fight Club 27 fois, qu'il a dit le mot fuck dans cette chanson je sais plus combien de fois, qu'il dit à Christina Aguilera que si elle en veut un peu plus, elle a qu'à venir le chercher et tout. Ça n'a aucun sens. Ces paroles sont à chier. Mais quand j'écoute, ça marche sur moi. Soit c'est la puissance de la guitare qui marche sur moi, enfin je sais pas, il y a quelque chose. Je veux dire, la reprise de Face, je trouve qu'elle est bien. La reprise de Mission Impossible, il n'y a plus personne aujourd'hui qui connaît le vrai thème de Mission Impossible. Par contre, celle-là, tout le monde l'entend encore, quoi. Elle est... Enfin, je sais pas, il y a un côté puissance dans le groupe qui moi, marche sur moi, qui me donne envie de sauter comme un jeune jouvenceau. Un jeune cabri. Un jeune cabri, voilà. Donc, j'irai pas dire que je recommande ça, j'irai aller écouter, aller fouiller un peu, parce que dedans, il y a des trucs un petit peu surprenants. Et vous arrêtez pas au truc de base, genre... il peut y avoir un peu un chant rapé, enfin je sais pas, moi il y a quelque chose, ce groupe c'est pas que du par hasard, et de toute manière je suis la caution mainstream de ce podcast, donc voilà. Mais je vais pas, après tout, mais je vais pas mentir, j'aime bien Limp Bizkit, voilà, je peux pas, je te sens un peu gêné de dire ça, mais c'est... non, c'est parce qu'en fait je sais que c'est vraiment un groupe sur lequel on crache, c'est un peu comme on peut le faire sur Linkin Park pour même si je continue de dire que le premier et le deuxième album étaient bien de Linkin Park, mais il y a un petit côté, le groupe est devenu presque une blague maintenant aujourd'hui, Limp Bizkit, et que personne connaît dans les derniers titres, parce que bah, ils sont un peu, ça a un peu changé tout ça, mais quand je regarde le truc, quand j'ai vraiment écouté, j'ai été revoir des clips et je dis non mais c'est bien en fait, c'est ok, c'est taillé pour les radios, c'est peut-être un petit peu facile par plein de niveaux, mais c'est bien. Franchement, je sais pas, t'as été jeter un coup d'œil au clip que j'ai posté ou pas? Ouais, sur Beat Them Face. Mais c'est tout. Non, on a réécouté vite fait un peu Limp Bizkit. Après, si c'est dans une compile, dans une playlist, dans une playlist, ça passe. T'as même pas écouté la cover de Face? Je crois pas, non. Ah, je t'ai fait écouter après le podcast, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais voilà, moi je vais pas faire le connard de métalleux de base qui dit ouais, Limp Bizkit c'est la merde, ça marche sur moi. Voilà. Il y a des trucs. Mais après, il y a des trucs inexplicables. Comme c'est ça, mais c'est pour ça, c'est mon paradoxe. Bah, je l'ai vendu comme tel, c'est mon paradoxe. Les miraculés de Lourdes, tout ça, il y a des trucs qui. Voilà, donc moi je dirais, allez fouiller un peu, essayez de trouver, il y a peut-être des trucs qui vont vous plaire. En tout cas, la prod est toujours excellente. Mmh. Parcimonie, elle aime bien en tout cas. La prod Non, elle aime bien Limp Bizkit. Enfin, ah. Elle dit, ouais, ça va, ça passe. Ah, tiens. Toi. Bah, comme quoi. Voilà, c'est à toi. C'est... Ah, et il passe en main stage 2 le samedi soir en tête d'affiche, bien sûr. C'est le dernier groupe. Forcément. Voilà. Et on les avait pas vus en tête d'affiche. Non, on les avait vus dans l'après-midi, un dimanche. Fin d'après-midi, un dimanche. Ouais. Mais pareil, d'ailleurs, si tu t'en souviens bien, c'était, ça marchait quoi. Ah bah, il y avait énormément de monde. Mais ouais. Alors que souvent, les gens disent, ah, Limp Bizkit, j'aime pas trop. Par exemple. Oui, non, mais après, voilà, t'es vieux, tu t'assumes aussi quoi. C'est ça le truc quoi. C'est ça. Quand t'étais jeune, voilà. Pouvais assumer parce que c'était tout nouveau. Ouais, non, et puis vraiment, j'étais content quand je les ai vus en concert, même si, ouais, c'est ça. Même si ce soir-là, j'avais préféré la première partie, ouais. Qui était Godsmack. Ouais, forcément. Par contre, le groupe que tu vas dire, là, je n'aime pas. De quoi ? EHG ? Je ne sais pas comment tu les appelles. Ils se font appeler comme ça aussi. Ah bah, dis donc. C'est leur surnom. Ayat God. Donc américain, groupe américain de sludge metal, sludge, voilà, ça reste bien, ça définit bien leur style musical. Mmh. Ouais, que ça en fait, hein. C'est vraiment du sludge, hein, pur et dur. Donc en activité depuis 88, voilà. Avec des influences comme Melvins. Pourquoi pas. C'est pas étonnant en même temps, d'ailleurs, parce que c'est, voilà. Ouais, c'est Black Sabbath, donc il y a Black Flag aussi, groupe de punk. Si je me trompe pas, Corrosion of Conformity, Confessor, enfin après voilà, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Donc il y a beaucoup de membres en fait qui ont quitté le groupe, enfin beaucoup de bassistes apparemment. Ah. Parce que les mecs originaux sont toujours là quoi, sauf les bassistes et le batteur qui est mort en 2013 je crois, si je me trompe pas. Donc j'avais noté ça, ouais, en 2013. Donc voilà, Joey Lacaze, batteur de Ayat God, décédé en 2013. Mais apparemment, ils ont viré beaucoup de bassistes. Je ne sais pas pourquoi. Viré ou parti, peut-être. Ouais, peut-être, ouais, aussi. Peut-être que les bassistes étaient là, ils ont écouté la musique, ils ont fait, ah, ouais, pas non, pour moi. Je vais faire du black metal. Donc voilà, après, pas grand-chose à dire sur Ayat God, hein, forcément. C'est début en 89, 92, Jimmy Bauer et Joey Lacaze forment le groupe. On a même la date, le 20 avril 88. Le jour de l'anniversaire, tiens. Les tout premiers membres du groupe incluent Mark Schulz à la guitare, Chris Hillar au chant, Kevin Noonan à la basse et Joey Fazio à la batterie. Après quelques mois d'activité, Hillar, Noonan et Fazio se séparent du groupe. Alors, pourquoi il me disait que... Tu vois, les infos se coupent et se recoupent. Et se recoupent. Avec cette formation, le groupe joue avec la première fois à Storyville Jazz Hall à la Nouvelle-Orléans, puisqu'ils sont de Nouvelle-Orléans, voilà, de base. Ce concert s'effectue le 30 juin 89 avec Soylent Green. Des amis à toi. Des amis à moi. Et Exorder. Le groupe enregistre ensuite deux démos, Garden Draft, Woman Driver et Lake of Almost Everything, publiés respectivement en 89 et 90. Donc moi j'ai réécouté, parce que j'ai un album là-haut, mais qui n'a plus la pochette, alors du coup j'étais obligé de refouiller un petit peu sur tous les albums qu'ils ont fait, et j'ai Southern Discomfort, que j'ai réécouté. Alors le premier morceau est dur d'approche, vraiment, hein, ça fait très très sludge, et après ça passe un peu mieux, vraiment. Parce que c'est un petit peu plus péchu. D'accord. Tu vois, c'est moins lourd et c'est plus péchu. Alors du coup, ça passe beaucoup mieux. J'ai pas écouté tous les autres albums, parce qu'ils ont pas mal d'albums quand même. Ah ouais ? Ouais, ouais, ils ont, si je me trompe pas, de tête, ils doivent avoir 5 albums, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas énorme, 5 albums. Non, mais c'est pas mal, je veux dire, c'est pas non plus non, un mais... groupe, c'est pas un gros groupe, quoi, qui est productif à mort, quoi. Bah non, mais c'est vrai que là, ce que tu m'as annoncé, je m'attendais à un truc un peu wow. 5, ouais, après 500. Bah, je me suis trompé. Bah, oh, non, mais c'est bien, 5, c'est bien. Bah, attends, 5, bah, c'est bien. C'est mieux que nous. Ouais, voilà, c'est... Bah, par exemple, on n'a même pas un EP. Là. C'est vrai. Hein, même pas une petite démo comme ça, non, sur cassette. Même pas. Ni un split. Ouais. Bon, on peut splitter déjà. Hey. Et là, on fait une pause. Ça te dit de faire une pause? Putain, on pourrait faire une pause avant d'avoir commencé. Carrément. On nique tout le monde. Ouais. Putain, fais la pause avant d'avoir commencé. Putain, je vais créer notre page Wikipédia. Carrément. Pas bête, hein. Groupe en pause avant leur création. C'est ça. Intéressant. Donc voilà, après, c'est à écouter parce qu'ils font pas que du. Non, c'est si. Écoute, moi j'ai écouté, j'arrive pas, hein. Vraiment, mais vraiment pas. Ouais. Mais en fait. Alors, mais le chant est braillé, hein, donc il y a pour, ça aussi. Quoi. Pour la petite histoire, c'était à mon premier Hellfest, je crois. Ouais. Bob m'a beaucoup emmené sous la vallée, et puis moi je suivais un peu comme un enfant jeune qui avait peur de se retrouver seul. Ce que faux, parce qu'il y a plein de fois on était tout seul. Mais... Ouais. Et il m'a dit, eh bien, on regarde ce groupe-là. Alors ça a marché pour. Le truc que t'as oublié de parler dans les news d'ailleurs. Truck Fighter. Oh merde, les news. Oh, Truck Fighter. Bah ouais, j'ai complètement zappé. Bah ouais, je l'avais pas noté, alors du coup. Bah c'est pas grave, dis-la maintenant. Voilà. Donc Truck Fighter apparemment arrête cette année. Voilà. Donc pour les amateurs de Truck Fighter, bah. C'est fini. Voilà. Est-ce qu'ils vont avoir un dernier album? Je ne crois pas. Hein. Donc, plus de nouveaux matériaux. Non, apparemment ils arrêtent. Bah, j'ai pas tout lu. C'est ça, ils se sont fait voler leur matos il y a pas très longtemps. Ouais. Ah, c'est peut-être ça. Bah, c'est peut-être ça, ils l'ont pas retrouvé. Donc du coup en fait ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils ont plus de matos. Du coup ils peuvent pas jouer. Bah ouais. C'est ça. En fait ils arrêtent pas vraiment quoi. C'est le temps de racheter du matos. C'est ça. Ils sont en pause. Voilà, ils sont en pause. Ça se trouve la semaine prochaine ils reviendront. Bah et donc pendant ce festival j'ai souvent accompagné Bob voir des trucs très intéressants sous la vallée. Et Eye at God, ça et l'a pas que. Oui, ça l'a pas fait. Je crois que c'est le seul groupe qui l'a pas fait. Ouais. Au bout d'une chanson j'ai dit on y va. Ouais, ouais. Mais même toi t'as du bout d'accord. T'as même pas donc mais je. Je suis resté, mais pareil encore, hors du truc. Ouais. Du coup. C'est vrai que le chanteur, forcément, c'est très braillé, quoi. Ouais. Non, après, c'est pas... peut-être que le sludge n'est pas pour moi non plus. Peut-être. Tu vois, peut-être que je peux écouter un peu de Doom, peut-être que je peux écouter un peu de Stoner, mais que le sludge, c'est pas pour moi. T'aimes bien Down ? J'ai pas beaucoup écouté Down, donc j'ai pas assez pour avoir. Ouais. Donc j'irai écouter pour voir. En fait c'est ça, c'est le sludge, l'entre-deux qui passe pas. Ben voilà. On ne sait pas, peut-être. Du coup, tu as d'autres choses à dire sur le groupe? Non, après voilà. Est-ce que toi t'aimes bien ou pas au final? Parce que j'arrive pas à savoir. Ce que j'ai écouté tout à l'heure, moi l'album que j'ai là-haut, je l'ai réécouté il y a quelques mois ça, et avant je l'ai réécouté il y a quelques mois, et en me disant faut vraiment que j'arrive à l'écouter cet album. Et là en le réécoutant ce soir... Le premier morceau, je te dis... Parce qu'en fait, t'avais l'album et t'as quand même toujours du mal à l'écouter. Ouais. Ah oui, donc quelque part, non plus, t'es pas... Et là, justement, les quelques morceaux que j'ai réécoutés derrière, le premier morceau de cet album-là, je te dis, le premier morceau, c'est dur quand même. Et j'ai passé le deuxième morceau. En fait, le deuxième morceau passe mieux parce que c'est un peu plus péchu et moins... Et t'as pas été écouter d'autres albums, justement, pour faire un autre album? Je vais aller écouter d'autres albums. C'est bien. Ouais. Pour la prochaine chronique de Eye at God. Tout à fait. Très bien. The Returns. En même temps, à un moment donné, si on a fini avec les groupes, va falloir qu'on en reparle d'autres. Donc peut-être que tu auras écouté des trucs. Peut-être. Qui sait. De notre libre choix, on pourra dire, je vais écouter plus. Ouais. Après, avec des petites recommandations de par-ci, de par-là. De par-ci, de par-là. Éventuellement. Très, très bien. Ils joueront vendredi sous la vallée. Tout à fait. En 8e groupe. Donc, assez... Assez haut. Assez haut quand même. Hein. Assez haut quand même. Très bien. C'est un groupe connu quand même, quoi. Eye at God. Ah oui, c'est connu. Hein. Connu et reconnu par ses pairs. Ah, mais après, tu sais, il y a quand même partie des pionniers de la scène sludge. Ah non, mais de manière, il y a des groupes, après, on sait qu'ils existent, on les a jamais écoutés, mais toi, Accept, j'avais jamais posé une oreille avant. Pourtant, c'était cool d'aller écouter, mais je me suis dit, c'est pas trop bon. Hein, donc, par contre, là, depuis tout à l'heure, je vois un nom qui brille et j'ai tellement hâte d'avoir ton avis sur ça. C'est un groupe à toi ? Ah non, un groupe à toi. Ah non. Alors, mon groupe à moi... Ah, attends, c'est... Ah bah si, d'accord. Je sais ce que c'est. Attends. Je sais ce que c'est. C'est Master of Reality. C'est pas dans tes groupes, hein. Donc, je vais passer à Anciferum. Ah ouais ? Ou Anciferum, tu vois. Est un groupe de viking metal finlandais originaire d'Helsinki. Leur musique est caractérisée par des ambiances épiques au rythme varié et des chœurs alternant chant guttural et voix claire. Et je pense que c'est un peu ma grosse surprise de cette semaine. C'est pas forcément le groupe que j'ai préféré, mais c'est ma grosse surprise. D'accord. Le groupe est formé en 95. À l'origine, Markus Toivonen était guitariste dans un groupe amateur nommé Dark Reflection et jouait des reprises de morceaux de groupe comme Megadeth et Pantera. Déjà, ça m'a fait rire un peu. Peu à peu, il estime que ce groupe ne le satisfait pas et s'oriente vers la musique folk et le death metal mélodique, influencé par des groupes comme Dark Tranquility et Amorphis. Un jour, Markus demande à son batteur qu'il nomme Etienne s'il jouait du folk death metal épique à ses côtés l'intéressé. Je trouve ça marrant comme proposition. Ah, c'est clair. Et si on jouait du folk death metal épique ? Cela t'intéresserait-il ? Kimmo accepte. Ils contactent leur ami bassiste Soli Salvolainen, qui accepte de se joindre à eux. Du coup, il ne restait plus qu'à trouver un nom à ce groupe. Allez, là, c'est là la meilleure de l'histoire. Un jour, Markus passe chez Soli, il saisit un dictionnaire de latin, l'ouvre au hasard et tombe sur le mot Enciferum. Ce mot le fascina d'emblée et sa signification, littéralement porteur d'épée, confirme sa volonté d'en faire le nom du groupe. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Le 15 septembre 2017, le groupe annonce la sortie de son 7e album Two Paths. Oui, parce que du coup, entre deux, ils ont sorti quand même 6 albums. Parce qu'il y a eu plein d'histoires. Il n'y a pas eu énormément d'histoires intéressantes, donc je vais zapper. Ouais. Et 3 mois plus tard, le 21 décembre 2017, on apprend via la page Facebook du groupe que Neta Skod quitte le groupe. Sérieux ? Ouais, et on sait tous ce que ça fait quand un groupe perd son accordéoniste. Bah, c'est clair. Ça. Bah, ça en fout un coup, quoi. Ouais. Donc. Lordi Turner, quoi. Bah, je pense que celle qu'ils ont pris en. Ça l'a démoli, quoi. Mais c'est ça. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai écouté, mais étonnamment, c'est vraiment. J'ai oublié le nom du morceau. Ouais, bah, bravo. J'ai bien aimé parce qu'en fait, ce groupe m'a surpris pendant plusieurs fois, en fait, mais vraiment surpris à me dire, à m'arrêter et dire, oh, mais c'est quoi ça ? Ce groupe est totalement. Malgré son côté folk death épique, donc c'est totalement ça, est capable, sans te prévenir, de te prendre et te balancer en plein milieu d'un morceau du. Ça va, t'es fatigué, tu t'ennuies ? Non, je suis en train de chercher le nom, putain, mais j'arrive pas à le trouver. Non, mais c'est pas grave. Alors, le morceau, c'est Two of Spades, et à la moitié du morceau, ça part en disco. En total disco. Et c'est excellent, vraiment. C'est vraiment en plus ça arrive comme ça, tu t'y attends pas du tout et ça part en pur truc de disco. Bien, c'est le morceau que j'avais mis sur la page, donc c'est excellent. Ils ont à noter qu'ils ont plusieurs autres reprises, dont une reprise de Battery de Metallica et une autre de Bamboleo de Gypsy King qui a énormément fait rire Bob avant le début de ce podcast. Oh, dis donc. Mais c'est vrai, mais pas donc c'est un groupe. J'ai dit de pas parler de notre vie intime. C'est un groupe que j'ai donc beaucoup aimé, parce qu'il m'a surpris à plusieurs moments et qu'il y a un petit côté effectivement épique qui passe bien et que j'ai vraiment, malgré tout dans leur musique, je sens du second degré dans ce qu'ils font et tout ça, qui est vraiment, pour leur style, hyper bienvenu en fait. Ouais. Et du coup, ça marche bien. Ouais. Et ça rend le côté beaucoup moins lourd que pour avoir, même si encore du Viking Metal ça passe, mais on n'est pas sur du Amon Amarth qui est du gros dur méchant, là on est vraiment sur un truc, moi j'ai trouvé ça fun, tout ce que j'ai écouté ça m'a bien plu et ça a bien marché. Voilà. Et bien sûr, Enciferum passe le dimanche sous la Temple, en 7e groupe. Et par contre, je voulais juste revenir sur un point, c'est que je suis vraiment très très content, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je continue de le dire, mais en fait, Enciferum, j'étais persuadé que c'était un groupe de gros black metal, et le fait de devoir l'écouter pour un épisode m'a forcé à un peu plus encore ouvrir mon esprit, et je sais que j'adore vraiment d'être surpris et de se rendre compte que faut vraiment arrêter d'avoir des certitudes sur des trucs. Il faut écouter, creuser, chercher, et souvent t'en ressors plus que tu tombes forcément sur des trucs plus intéressants, quoi. J'aurais pu rester sur mon, toi t'aurais vu Enciferum qui joue au temple, en général on aurait détourné les talons, alors que maintenant Enciferum, avec ce que j'ai écouté, j'ai envie de le voir, tu vois. Ah bah c'est obligé, bah voilà, c'est obligé, mais tu vois, c'est la différence, elle est là. J'ai hâte de les voir habillés en espagnol. Non, mais non, en fait, en général, ils sont toujours habillés avec des. Ils ont des traits un peu sur le visage. Juste un trait ou deux. Mais c'est. Ouais, ça concorde bien. Ouais, non, mais c'est. En fait, c'est important justement de pas se fier à tout. Parce que moi, on m'aurait dit un groupe sous la Temple. Je fais non, merci, parce que j'ai un truc à faire là, loin. J'ai pissé, il y a Trust. Et là, du coup, je suis content d'avoir découvert déjà ce groupe-là. J'ai bien aimé. J'ai quasiment en plus écouté beaucoup de choses. Sans être méga dingue à chaque fois, j'ai trouvé des trucs très intéressants chez eux. En effet. À votre bon cœur, messieurs dames. Ah, merci, vous êtes bien aimables. Moi, j'avais Nebula, ensuite. Nebula, que je connaissais déjà un peu. Ah bon ? Que j'avais aussi découvert, je crois, à peu près dans les mêmes époques que Bongzilla. Donc, qui est un groupe américain de stoner rock psychédélique. Un peu, c'est vrai. Ils ont commencé en 97. Voilà. Donc, je crois qu'ils doivent être 4, je crois, les mecs. Tout simplement. Et j'ai écouté quelques titres que j'ai. Enfin, j'ai réécouté quelques titres et on sent bien le psyché. Hein. Oui, ça c'est vrai. Oui. On sent bien. On sent bien peut-être la prise de. Il y a une espèce d'énergie pas mal. On sent bien le stoner au niveau de l'énergie musicale et le psyché sur les parties plus cool. Voilà, petits entre-deux. Moi, je pense qu'ils prennent de la drogue. Bon, faut pas dire ça. Ça se trouve, c'est vrai. Et t'as peur que leur maman, elle écoute, par exemple ? Bah, par exemple. On ne sait pas. C'est vrai ce que tu dis. Pardon maman de Nebula. Alors, donc, super. Et t'as bien aimé ce que t'as écouté ? Ouais, c'est sympa, ça passe bien. Après, de là à dire que j'irai acheter un album, je ne pense pas. Et poursuivre ton écoute ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Après, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est le côté un peu trop, justement. Psychédélique. Ouais, c'est vraiment trop, ça part trop. Enfin, tu vois, c'est une musique de drogué, quoi. C'est quand même un petit peu. On le ressent bien. Et du coup, moi, n'ayant jamais touché à ça, bah, je sais bien. Je peux pas comprendre. Même, t'es anti ça, t'as une association. Ah, bah oui, complètement. Ouais. Contre la drogue et ses dérives. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Alors donc, pour en dire un peu plus, en 97, le guitariste et vocaliste Eddie Glass et le batteur Ruben Romano quittent Fu Manchu. Ah, on connaît bien justement les influences Fu Manchu. Un peu, ouais, dans la partie stoner. Ouais. Et s'adjoignent les services du bassiste Mark Abshire, pour former le nouveau groupe Nebula. Nebula a fait paraître 4 albums et a connu plusieurs changements de personnel au cours des années, seul Glass demeurant en poste. Parmi les musiciens ayant fait partie du groupe, il y a eu Lex Caius et bassiste Scott Reeder. Mmh. Scott Reeder qui était sur le premier et deuxième album. Ah oui, celui qui n'a pas resté très longtemps. Ouais. Bah, il ressemble plus à un Norvégien qu'à un gars du Sud. D'accord. Les cheveux longs, blonds, avec une grosse beubare un peu rousse. Sud-américain. Oui, sud-américain. Oui, parce que Caius, ils sont en fait de la côte californienne. Oui, mais et ils sont sud de Californie. Oui, parce que quand tu dis du sud, c'est vague. Oui, enfin du sud, je veux dire du sud de l'équateur, par exemple. Enfin, voilà. Du sud de chez eux. Enfin, il ressemble plus à un Norvégien qu'à qu'un mec de Marseille. Par exemple. Voilà, qui est dans le sud. Par exemple. Ça n'a aucun sens. Tu dis mec du sud. Non, mais je veux dire. Mais tu situes pas, tu contextualises pas. Peut-être qu'un membre de Caius pourrait venir du sud de la France, par exemple. Par exemple. De Perpignan. Par exemple. Excusez-moi. Donc, on a, je l'ai dit, 4 albums. Hein, donc, oui. To the Center 99, Charge en 2001, Atomic Ritual en 2003, Apollo en 2006. Voilà, pour situer. Jeu vidéo, la chanson de Giant apparaît sur la bande-son du jeu vidéo Tony Hawk's Pro Skater 4. Donc, pour ceux qui l'ont. Voilà, ça peut vous donner. Tu l'as pas ? Non. Merde. Je me suis arrêté au 3. Attends, le 4, peut-être. Ah, tu vois ? Peut-être. Il est sorti sur quoi ? Non. Peut-être sur une. T'as envie de regarder ? Bah ouais. Je sais. Donc voilà. Donc comme je disais justement, c'est là, à la première écoute, j'ai reconnu vraiment Fu Manchu. Quoi. Mm-hmm. Enfin, les influences Fu Manchu au niveau stoner, comme on disait. Mais ça part vraiment en vrille quand ça part dans les. Ouais. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est un peu ce que j'ai vu dans le clip que j'ai balancé. Ça démarre super bien, puis après, tu fais. Oh. Ouais. Enfin, c'est un peu là où ils m'ont perdu. Et puis, ça part très. Et t'as écouté beaucoup de choses ou pas ? Pour te dire, je ne sais plus trop, parce que c'est vrai que ça fait un moment que... Ouais, t'as pas réécouté beaucoup ? J'ai pas réécouté beaucoup, j'ai dû réécouter 4-5 titres, voilà, histoire de me refaire une petite idée. En aléatoire ou... Oui, en aléatoire, ouais, en totalement. Ouais. Donc, voilà. Mais j'aime bien, et en même temps, il y a ce petit côté un peu trop psyché qui... Voilà. pour dire recommander, c'est sûr qu'ils vont passer sous la vallée. Hein. Ouais, j'ai... Il n'y a pas de souci. Ils passent sous la vallée, dimanche. Ouais, donc voilà. J'ai pas marqué l'ordre du groupe, je m'excuse. Alors, ouais, je le verrai bien. Ouais, c'est ça, c'est pour les... À peu près. Ouais, à peu près. Pas ouais. Plus, par contre. Non, non, non, pas moi. Très, très bien. Non, non. D'accord. Donc, au final, tu recommandes ou pas? Oui, je recommande, ouais. Enfin, après, c'est compliqué, quoi. Non, mais c'est... par exemple, t'as préféré à Bongzilla? Oui, ah, bien et sûr. Et à Céleste? Bah, Céleste, je sais pas, j'ai pas tout écouté. Non, mais... J'ai pas écouté la partie hardcore. J'ai juste écouté la partie black metal. Donc, je peux pas te dire. Je te redirai quand j'écouterai la partie hardcore et puis la partie black metal hardcore du coup. Bah faut faire oui. Bah non mais c'est pas professionnel ça. Ah non je sais. On est à média mec. Beaucoup de choses à faire en ce moment et du coup. Oui un bah, peu perturbé. Et essaye de faire un peu moins de trucs importants et fais le podcast. Voilà c'est ça. Très bien. Moi je vais passer à Orden Hogan. Tout à fait. Alors attention parce que ça va faire écho avec des choses dites plus tôt. Quand est-ce que c'était pour toi la dernière fois où tu as envie de descendre dans les champs, laissant sur le côté de la ferme ta fourche pour aller te promener au son de la musique d'Orden Hogan? Déjà, je ne connais pas Orden Hogan. Ouais, c'est ça ton problème. Donc, ça va être compliqué. Parce que moi, c'est exactement ce que ça m'a donné envie de faire. Ça dépend si Caroline a fait une bonne tarte aux pêches. C'est vrai. Tout de suite, là, ça te donne envie d'aller te promener. Ah bah, bien sûr. Bah moi, ça m'a vraiment... J'ai vraiment... Parce que, alors, Orden Hogan est un groupe de power folk metal allemand, originaire d'Arnsberg, un petit village qui se trouve au nord-est du Sauerland, dans la vallée de la Ruhr. Et qui fabrique des fourchettes. Non, pas là, non. Non, pas là. Formé en 96 sous le nom de Tanzede Engeweide, mais rebaptisé un an plus tard en Orden Hogan. Pourquoi? Parce que les gens s'ennuient. C'est ça. Totalement. Qu'est-ce qu'on fait? On change le nom du groupe? On a mis 3 ans à le trouver. Ouais, mais il est trop long. On prend quoi? Orden Hogan. Alors, le nom du groupe se traduit par l'ordre de la peur. Ah bah ouais. Ça claque. L'ordre carrément. De la peur, c'est pas mal. Ouais, ouais. Avec d'une part l'ordre, traduit de l'allemand pour Orden, et d'autre part la peur, traduit du celtique pour Hogan. Le groupe commence par sortir 3 démos en 97, 98 et 99, et c'est finalement en 2004 qu'ils autoproduisent leur premier album, Testimonium AD. Tu me fais peur. Suivront différents albums en 2008, 2010, 2012, 2015 et 2017, le dernier donc Gunem, que j'ai écouté, ainsi que beaucoup, beaucoup de choses, car j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si tu te souviens, dans la saison 1, on avait un peu placé que le power metal, c'était festif avec les tanks. Principalement, on avait parlé de Power Wolf et de Sabaton surtout. Sabaton surtout, voilà. Ouais. Et ben là, c'est du Power Wolf, c'est du power metal et folk, donc c'est hyper épique, mais ça vraiment, t'as des ambiances très... J'imaginais vraiment des trucs dans la campagne ou des gens qui allaient combattre des rois hostiles et un tout. Un truc celtique un peu, non? Ouais, mais dans des trucs comme ça. Mais ouais. ça marche super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce que j'ai écouté. Comment que celtique tu nommes? Orden Hogan. Orden, O-R-D-E-N. O-R-D-E-N. Hogan. Et vraiment, tu vois, j'ai bien aimé les petits délires et dérives de NC Ferrum. Mais ça, musicalement, j'ai beaucoup plus préféré, en fait. Après, il y a même quelques passages des fois où ils ont une chanteuse qui vient de temps en temps. C'est pas forcément les meilleurs trucs, mais enfin, ça marche super bien. Le power folk metal, j'ai trouvé ça top. D'accord. Voilà. Du coup, moi, j'aurais tendance à recommander. Hein. Bien sûr. Déjà, en plus de recommander, parce que personne ne doit connaître. Oui. Ou ceux qui, si vous connaissez, laissez-nous des messages. Genre, mais si on connaît, c'est trop bien. On adore. Ouais. Sinon, je vous conseille cet album-là. Ouais, mettez la bite. Et du coup, Orden Hogan passe le dimanche en main stage 1 en deuxième groupe. Ah. Voilà. Ils sont pas ouf dingo. Mmh. Mais je pense que c'est cramé, j'irai les voir. Si tu y vas. Si j'y vais. Mais ça fait partie. En fait, c'est des trucs qui pourraient me donner envie d'y aller. D'accord. Vraiment. Ouais. Tu vois. Pour découvrir sur scène, vraiment. Faire partie de la teuf, quoi. Ouais, puis parce que j'ai vraiment aimé ce que j'écoute. Enfin, ça m'a plu, quoi. Mmh. J'en suis pas à l'effet de tir de la saison 1. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai écouté. Vraiment. En effet. Voilà. Après, je pense qu'il y a un petit côté un peu trop épique, toi, qui va peut-être te perdre, mais... Ça dépend. Eh ben, ça dépend. Nous verrons bien. Qu'est-ce que j'avais vu, moi, je ne sais plus. Je te redirai ça si je retrouve les noms. J'avais vu deux groupes, il y a deux groupes qui m'ont bien plu, que j'avais vu en live, justement, que je connaissais pas du tout, en fait, et que j'ai découvert en live directement au fest. Et ouais, je réécoute avec plaisir ces petits groupes. Je te redonnerai les noms si je les retrouve. D'accord. Voilà, je te les redonnerai. Très bien, avec plaisir. Hey! Alors là, par contre, tu vois, j'ai un petit souci. Ah. Parce que moi, j'ai écouté. Je peux me faire mettre? C'est à moi. Oui, c'est à toi. C'est à moi. Tyrion. Ah! Stop! C'est celui-là. À droite. Oh. Ah oui, d'accord. Tyrion. Ok. Ah, attends, parce que tu t'as vu ou pas ce que j'ai posté? Oui, j'ai vu ce que tu as posté. Et le clip, il est dégueulasse. J'ai pas vu le clip, je crois. Oh, ah si, non, il y a pas un moment où... C'est une 3D toute moche. Ah non, mais c'est pas ça. Oh là, c'est horrible. Alors, bah, en fait, moi, j'ai un souci, c'est que... Ah, mais moi aussi, juste avant de... C'est important. Dis. C'était un des groupes que j'avais grave envie d'écouter. Ouais. Parce que j'ai lu une interview dans Rock Hard, et il disait, suite à votre album, machin, vous venez de sortir tel truc. Et je dis, putain, mais apparemment, ils sont bien connus, puis ça a l'air vachement bien. Enfin, donc, j'étais impatient d'écouter, parce que j'arrivais pas à me souvenir de ce que ça pouvait être. Je me disais que j'avais écouté il y a longtemps. J'avais écouté là. Je t'en prie, poursuis. Alors, je ne sais pas, justement, si. Parce que moi, j'ai eu deux versions de Tyrion, en fait. Une version française. Ah non, c'est ça. Et l'autre, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Ah oui, il a fait un album en français. J'étais un peu largué, quoi, total, quoi. Ah, il a fait un album en reprise de chansons françaises. D'accord. Ok. Donc, je m'étais pas trompé, en fait. Donc, groupe suédois. On est d'accord? Je sais pas, j'ai pas fait de recherche. Tu sais pas, tu t'en fous. Metal symphonique, death metal, hein, c'est ça. Depuis 87, quand même, hein, label Nuclear Blast, hein, quand même. Mm. Attention, ça rigole pas. Mm. Comme Accept. Hein. Oui, oui. Bah oui, Nuclear Blast, du coup. Ok. Je sais plus ce que je veux dire. Donc, composition du groupe. Oh là là là là là là là. Christopher Johnson, Thomas Wistrom, Nal Palsson, Johan Kolberg, Christian Vidal. Pas comme le Vidal. Non, pas le Vidal. Enfin, si, ça s'écrit pareil en plus. Laurie Lewis, Sandra Loreano, Linnea Wigstrom. Voir ancien groupe, on va s'arrêter là. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, oui, alors. Ok, donc moi j'étais complètement largué. Donc, du coup, je savais pas trop quoi dire parce que j'ai écouté un album. Enfin, un album, j'ai écouté une partie d'album, on va dire. Donc, j'ai écouté 5-6 morceaux, je crois. Quand même! Ouais, quand même. Mais en fait, je les ai laissés couler parce que, voilà. Je faisais du feu, je crois. Donc, du coup, tu vois, je les ai laissés couler. Et c'est vachement... Et voilà. Ah bah, je vais être honnête, hein, j'ai détesté. C'est vachement symphonique, c'est ça que je cherchais. Ouais. Ah, c'est, mais... c'est symphonique à souhait. Mais et la partie française, mais alors, j'ai halluciné, quoi. Ah, mais je n'ai pas pu. Pourri en fait. Non, mais j'ai pas du tout aimé. Et justement, en fait, l'album français c'était celui d'avant, et là ils viennent de ressortir une espèce de truc en deux CD d'opéra rock à moitié apparemment, et j'ai pas réussi non plus. Qu'est-ce que j'ai entendu en français? Bah, de leur prise de Piaf, non? Ouais, il y a une reprise de Piaf, et y en a une autre où ils se font chier dans un rad, et l'autre elle est en train de chanter, enfin, tu vois que ça fait chier le public. Enfin, voilà quoi. C'est... Bah non, mais c'est un groupe qui existe toujours, donc ça marche. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, à la base, j'ai du mal avec le symphonique. Déjà, moi aussi. Donc, quelque part, c'est pas de leur faute à eux. Non. Mais alors là, franchement, c'est... Ouais, non, je... Y a rien à dire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... J'ai pas pu non plus. Enfin, j'y arrive, j'aime pas du tout. J'ai vraiment pas d'été. C'est spécose, quoi. Faut aller voir, hein. Oui, moi, par les contre... lunettes qui chantent trop lyrique et tout. Oui, mais ouais, normalement, c'est un chanteur, mais il y a un chanteur. Donc... Ouais, j'ai vu que ça. J'ai vu un live, je crois, au Wacken, un truc comme ça. Ouais, non, mais bah, je peux pas. Bon. Ça, moi, j'aime pas du tout. Donc, tu recommandes pas? Si, si, totalement. Ah, c'est ça, c'est ça qui est bien. Ah ouais, totalement. Et donc, à ton avis, il passe où? Pff, alors là, il passe où? Il passe. Moi, je pifferais bien une petite Warzone. Comme ça. Alors, t'as pas dû regarder, mais juste pour la blague, Turbo Negro passe en Warzone. Ouais, en même temps, ça m'étonne pas plus que ça. Oui, non, mais les dernières fois, on les avait vus en main stage. Ouais, parce que ouais, quelque part, c'est pas... Ils redescendent pas, tu vois. Pourquoi ce serait, la Warzone serait pire que les autres? C'est pas ça, mais comme ils étaient arrivés en main stage, normalement, c'est ce qu'ils veulent, les groupes, tu sais, arriver en main stage, et t'as soit une certaine popularité quand y est. Bah ouais, enfin le concert qu'on avait fait, moi je sais que je les ai vus deux fois, ah bah... et à chaque fois c'était quand même pas mal blindé quoi. Ah non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que techniquement, quand t'arrives en main stage, c'est que t'as acquis une certaine popularité. Ah oui, tu veux dire que leur popularité baisse un peu. C'est pas forcément ce que je veux. Enfin, vis-à-vis du public mondial, c'est ça? Bah, ce qui serait un peu con, parce qu'en fait, Red Fang, on les a vus en main stage, et après on les a vus sous la vallée, donc. Ouais, enfin, c'est leur scène de base. Mais quoi. C'est pour ça, non, mais Turbo Negro n'est pas choquant Warzone, mais juste, je sais pas comment c'est ressenti après. Ouais, bon, après, à voir. Ouais, non, mais de toute manière, c'est pas... je voulais... Alors, si j'ai si été, jamais t'as l'occasion si j'ai été désobligeant, je sais pas ce que je voulais dire du tout. Hein. Je d'accord. Voulais... Du coup, il passe, Therion passe le vendredi. Ouais. Sous la Temple, en tête d'affiche. Sérieux ? Ouais. Oh la vache. Y a, mais sérieux, où va ce monde? Est-ce que ce monde tiens, est sérieux? Moi, je vais boire, parce que là... Ok. Est-ce que tu es prêt? Oula. Knucklehead lose an American hardcore punk band from Oldham County, Kentucky, from made in 2013. Et oui, parfois, le métier de chroniqueur n'est pas évident, et on se retrouve avec des bios en anglais, et les gens ne pensent pas à notre accent déplorable, nous, pauvres normands. Ah si, si, si, il y en a qui y pensent beaucoup. J'imagine que là, il va y en avoir encore plus là, qui vont y penser. Du coup, j'ai utilisé Google Trad. Knucklehead Lose est un groupe punk hardcore américain originaire du comté d'Oldham au Kentucky, formé en 2013. Putain, c'est exactement ce que j'avais compris. Quoi. Bah c'est parce que c'est ce que j'ai dit. Oh la vache, c'est dingue. Bah, en fait, tu vois, il est pas si pourri ça. Il est pas si pourri. La carrière du groupe dans sa forme actuelle a commencé en 2013, mais Brian Garris, le chanteur, a déclaré qu'il a commencé à jouer avec plusieurs membres actuels du groupe en 2011 ou 2012. D'accord. Il laisse planer le doute. Ouais. En 2014, sort un premier EP intitulé Pop Culture. C'est tout récent. En 2015, Knucklehead publie un split avec Damaged Goods. Je ne connais pas. Il dit rien. Puis le 16 septembre 2016, le groupe sort leur premier album studio, Log Track. Et paraîtrait-il qu'en juin 2018, le groupe se produise... Sérieux ? Oui. Au Hellfest. Ah ouais. C'est fou ça. Bah, c'est... Parce qu'en fait, c'est le concept. Ils font passer des groupes. Oui. D'accord. Du coup, alors mon avis là-dessus, tu vois le principe du punk hardcore? Je vois le principe, ouais. Et ben, c'est plutôt assez difficile à écouter des fois le matin au réveil, parce que ça te met des grosses mandales dans ta gueule. Moi j'aime bien, mais après... Bah, des fois j'aime bien, des fois il y a des moments où j'étais obligé de dire, j'ai écouté un petit peu, j'attends un petit peu. Je vais écouter un peu de Therion. Voilà. Histoire de me réveiller gentiment. Ça tabasse complètement, vraiment c'est hyper efficace. Par contre, alors j'ai écouté... leur premier EP. En fait, j'avais écouté d'abord des chansons de l'album. J'avais trouvé ça vachement bien. Je suis revenu en arrière pour écouter l'EP. J'ai trouvé ça pourri. Enfin, pourri, beaucoup moins bien. Je sais pas, il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas la même ambiance, il n'y a pas la même patate. Donc j'ai écouté après l'album en disant, je comprends pas ce que j'ai aimé, c'était pourtant bien, enfin ce que j'avais écouté avant. Donc j'ai été rechercher pourquoi c'était l'album. Parce qu'en fait, je prends les 5 premiers titres sur Spotify. Et ça mélange, c'est les 5 titres les plus écoutés. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, ça peut mélanger des albums et tout. Et en fait, effectivement, j'avais 2 ou 3 titres de l'album et après de l'EP, donc j'avais pas fait gaffe. D'accord. Donc du coup, je reconnaissais pas ce que j'avais écouté. Et en allant écouter l'album, là, je veux dire, c'est une tuerie de punk hardcore qui défouraille bien, ça tabasse, même avec des petits de comme ça et tout, de trucs bien, bien énervés. D'ailleurs, le clip que j'ai partagé sur la page, il y a 2 chansons dedans. Cool. Ouais. Deux pour le prix. Hein, c'est ouais. Bon, donc non, c'est un très bon groupe de punk hardcore. Moi, je le recommande vivement. Ça tabasse bien et j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Je suis un petit peu mon Bob parce que c'est efficace. Donc, j'irai pas forcément acheter un album, mais il serait dans une playlist hardcore punk pour tabasser de temps en temps. Par contre, ça donne envie d'aller taper des gens. Hein. Ah ouais? Ah, par contre, ouais, grave. Cool. Ah ouais, non. Et tu l'as fait du coup? Non. Non, t'as pas de marque donc. Bah pourquoi? Je peux très bien être fort et pas en prendre du coup. Ah ouais? Bah ouais. Je peux être vif. Bref, Knucklehead Lose passera le samedi en Warzone et c'est le 3e groupe. Donc, assez tôt le matin. Ah oui, effectivement. Oui. Ça nous fera un quoi ça? C'est quoi, c'est 10h30, c'est ça? 10h30, top, ouais. Ça fait un petit 11h, 11h30. Midi. Ouais, ça fait un petit midi, quoi. Un petit midi. Mmh. Okidok. Tu passes à ton dernier groupe, ta gueule. Carrément. Ouais, je suis comme ça. Ouais. C'est le punk hardcore, ça te met dans tous tes états. Ouais, moi j'en ai foutu, je tabasse. Moi. Ouais. Allez, regarde, top, va faire chier. Excusez-moi les gens qui écoutent, est-ce que vous avez dû pleurer? Ah bah là ouais je pense. Ah ouais là. Après, ils ont pas de casque, bon, peut-être que si ça se trouve. Putain mais t'es vache toi. Je suis désolé. Donc mon dernier groupe, hein, Corrosion of Conformity. Et oui. Tout à fait. Une corrosion de conformité. Exactement. Live at Reds à Edmonton en 2005. Non c'est la légende de la photo ça. Ça va pas aider les gens. Donc c'est un groupe états-unien. Exactement. Voilà. De heavy metal, stoner metal, groove metal, sludge metal, punk hardcore, crossover trash. Ouais, les mecs font tout. Ah ouais, ah bon, ils font comme ça. Je cherchais en fait un peu la référence parce que j'ai réécouté les deux premiers albums qui sont vraiment, pour ma part, je trouve vraiment très bons. Parce qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. C'est vrai. J'adore, franchement. J'ai hésité justement parce que au magasin pas très loin, ils vendaient. Ils doivent avoir 4 ou 5 albums, mais en vinyle. Ah ouais? Et du coup, le vinyle reste un petit peu plus cher forcément que l'album CD. Et j'ai hésité en me disant, putain, je prends ou je prends pas? Je connaissais pas trop Corrosion of Conformity et ce que j'ai écouté là tout à l'heure. J'ai écouté les albums entiers en fait, et du coup, le premier et le deuxième. Et ouais, j'adore. Mais j'arrivais pas à trouver, putain, il y avait un groupe qui me faisait penser, enfin, je ressentais des influences et j'arrivais pas à. J'aurais même dit un peu grunge aussi. Ouais, de temps en temps. Ouais. Donc voilà, donc quand même 82. Ils ont commencé en 82. C'est pas tout jeune. Mais non. 2006, actif depuis 2010. En fait, ils ont fait une pause entre 2006 et 2010. Ah oui, parce que j'allais dire, ça. Ils ont pas commencé, en fait. Donc, voilà. Ah non, j'ai cru lire un truc. Intéressant. Donc, il y a beaucoup de gens. Hein. C'est quand même dingue le nombre de groupes maintenant où il y a beaucoup de gens. Parce que moi, je me rappelle d'une époque où les groupes restaient les mêmes pendant toute une période. Et maintenant, voilà, tu regardes. Tous les... Hey, Simon Bob. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens de partis aussi, hein, énormément d'ailleurs. Hein, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a au moins une dizaine d'anciens membres. Voilà, donc Corrosion of Conformity est un groupe de heavy metal américain originaire de Raleigh, en Caroline du Nord, pardon. Pendant la quasi-totalité de son existence, le groupe se compose du guitariste Woody Weatherman, du bassiste Mike Dean, qui a quitté le groupe en 87, mais qui est revenu 6 ans plus tard, du batteur Reed Mullin, qui a quitté le groupe en 2001, mais qui est revenu 9 ans plus tard, et du chanteur et guitariste Pepper Keenan, qui a fait partie aussi de Dorn, justement. Et qui a rejoint le groupe en 89. Après une période d'inactivité depuis 2006, Corrosion of Conformity revient sur scène en 2010 sans Keenan, qui est à cette époque membre du groupe Dorn. Ah, mais tout s'explique. Voilà, parce qu'à l'époque, je me rappelle justement, il y avait Corrosion of Conformity et Dorn qui passaient là... En même temps le même week-end, quoi. Ah oui. Alors du coup, on voyait l'autre, ouais. C'est rigolo. Alors, il y a un moment, il y a Phil Anselmo qui est venu dans Corrosion of Conformity. Eh, c'était rigolo. Ouais, ils faisaient des blagues. Bah ouais, carrément. J'ai venu sur parce que les mecs disaient, attends, mais on regarde Dawn. Ouais, c'est ça, on savait plus trop, on était perdus. Et il y a Coelfest qui a ça. Bah c'est ça. Bah oui. Pareil, avec Caius. Bah tiens, tu m'avais dit. Pareil. En date, Corrosion of Conformity a fait paraître 7 albums studio, 2 EP, une compilation. Alors attends, pour 5 albums live. Pour le coup, c'est pas beaucoup. Bah non. Depuis 82, 7 albums. Bah c'est ça. Depuis 82. 7 albums. Tu comptes ? 7 albums. Mais non, mais ça fait plus de 30 ans. Eh ben ouais. Eh ben ça va quoi, les mecs. ils vivent à leur rythme. Hein, ça. Ils ont peut-être un boulot à côté. Bah j'espère, parce que sinon ils doivent pas. Pizza, ils doivent pas trop bien manger. Hein. Attends. 7 albums. Bah s'ils vivent sur leur rente d'artistique, on ne sait pas. Alors ça marche beaucoup mieux qu'on le pense, mais. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils donnent énormément de concerts, c'est peut-être des gens de la scène, c'est tout. Et qui jouent comme ça, à volo, de place en place, et de. De balle en balle. De balle en balle, et d'aventure en aventure. C'est ça. Uh-huh. Non, parce que quand même, cet album. Depuis 82. Putain, c'est pas beaucoup. J'aime bien qu'on soit précis quand même, parce que c'est important. Bah, bien sûr. Donc, du coup, t'as aimé. Ah oui! Et sûr. Tu vas aller écouter les autres albums ? Bien sûr. Bah, tu l'as pas marqué, c'est pour ça que j'ai ça. Bien sûr. De quoi ? Pourquoi je... bah, t'as une liste de groupes à écouter. Ah oui, oui. Ah bah oui, mais je vais... tu vois, là, j'ai Orden Hogan. Non, ça, c'est l'album de Hyatt God. Non, mais bah après, ouais, j'ai après. Plein de trucs. Mais j'ai plein de choses à écouter. C'est vrai. Et tellement de temps, en plus, c'est ça que j'ai. C'est ça. D'autres choses à dire ? Non, plein. Après, bah plein, mais c'est ça en fait. C'est bien. Allez écouter Corrosion of Conformity, c'est riche musicalement. Ta technique, elle est bien, mais elle casse gueule. Bah c'est nouveau, hein. Ah oui, ah bah là, je t'avais prévenu. Tu testes, moi je teste. Parce que je faisais ça avant. Et en fait, je me suis rendu compte que Ah, parce que des fois, tu regardes. Bah, c'est ça, c'est pour ça. Merde, The Arm of God, 99-2006. C'est ça. Peter Keenan en live sur scène. Bah, c'est pour ça, là, tu arrives après avec trop d'infos et que tu synthétises. Ah, on les appelle coq aussi. À ne pas confondre avec. L'autre tête de. Il passe Vendredi sous la vallée en tête d'affiche. Ah bah, il y a intérêt. Donc quand même, on a Céleste en 4e, Bungzilla en 6e, Ayat God en 8e et Corrosion of Conformity en 9e. Qui ont sorti deux albums bien. Cet album. Ah oui, depuis 82. C'est pour rappeler aux gens qui auraient oublié. Non, mais tu te rends compte, tu t'es tapé 4 groupes de la vallée. Putain. Ah mais j'y peux rien moi, c'est application. Tu les as déjà vus en live? Ouais. Et t'as bien aimé? Ouais. Tu aimerais bien les revoir en live? En fait, j'ai découvert Corrosion of Conformity en live. Mais est-ce que tu voudrais les revoir? Oui. Très bien. Si jamais... C'est un souhait que j'aimais. Comme ça? Cher Père Noël. Si tu pouvais, c'était pour voilà. Me permettre si de tu revoir pourrais, Coq. Si tu pourrais que je revoie Coq. Malgré leurs 7 albums en 82. Depuis 82, jusqu'en 82. Je pense que c'est bien comme groupe. Merci, donc, Père Noël. Bah, du coup, ce qui est con, c'est qu'il n'y a que 7 albums et que tu n'en as écouté que 2. Écoute, j'irai écouter les 12. Tu vas à leur rythme, c'est ça ? 12 prochains, c'est ça. Tu vas écouter sur les 30 donc, prochaines années. Là, ça en fait 2 déjà en une soirée. Donc, dans 15 ans, j'en écouterai 1. Ouais, va pas trop vite, va pas griller. Hein. Bah, je vais pas griller mes cartouches, c'est sûr. Et c'est ça. Bon, je passe à mon dernier groupe. Oh, vas-y, fais-toi plaisir. Monolorde. Tu vois, encore un exemple de l'intérêt de ce podcast. C'est pour moi, Monolorde, ça sonnait encore comme un groupe de vieux black metal ouf dingo. C'est... Ah, Monolorde. Ouais, il y a le mot Lorde. Et puis des chansons qui sont un peu. Je crois, dans mon souvenir, il y a des chansons qui parlaient à Satan. À Satan ? À Satan. Les draps ? Les draps de Satan. Je suis désolé. Ah bah j'espère parce que bon. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave, c'est pas ouf quand même. Hein. Bah tu comprends. D'accord. Regarde, il y a une chanson qui s'appelait Dire Lucifer. Ouais mais Non. Cher Lucifer. Donc formé en 2013 à Gothenburg en Pennsylvanie. Suède. Monolorde est un groupe de Stoner Doom qui fait rapidement sensation avec son premier album sorti en 2014. Donc tu vois, c'est Stoner Doom. Bah alors, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas du tout. Voilà. Bah ouais, non, mais tout elle de suite, surprise. T'es préjugé sur mais les gens. Mais c'est ça, j'ai été surprisé. Son premier album sorti en 2014, donc intitulé Empress Rising. Un second album du nom de Vainir paraît en avril 2015. Le groupe se produit la même année au Roadburn, au Hellfest en 2016, fait plusieurs Desert Fest. Et en 2017, Rust a 6 titres foutrement efficaces. Et j'ai aimé avant même d'avoir écouté une seule note, parce que la pochette de ce dernier, elle est beaucoup trop stylée. Ah ouais, à mort. Ouais, c'est deux voitures enfoncées dans le sable à la verticale. Pour moi, le bonheur, ça tient un peu de choses. Regarde-moi cette affiche, comment elle est trop stylée. Waouh. T'as vu? Effectivement. Elle est classe, hein? Elle est carrément belle. Et franchement, quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit putain, c'est trop stylé, je vais adorer. Mais ça colle pas du tout avec leur nom de groupe, quoi. Avec le nom de groupe, non, mais avec le style, ouais. Ça, c'est parce qu'en fait, ouais, d'accord, mais pour le coup, moi j'ai trouvé ça. Alors, Orelsan et Monolorde, c'est ça. C'est l'album Dust hein, pour le coup, Monolorde. C'est comme Monocouille mais avec un Lord à la fin. Rust. Patrick, si tu nous écoutes. J'étais pas au courant. Oh merde, c'est pas pro, reprends-toi. Ok, donc pour moi, ce groupe... C'est artisanal. On l'a dit. Excusez-moi. Et je pleure. Signe de bon épisode. donc pour moi, c'est un groupe que j'ai trouvé beaucoup plus doom que Stoner. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus lourd que groovy. Donc c'est forcément, il y avait beau avoir que 6 titres, vers le milieu du 4e, je commençais un petit peu à en avoir un peu marre. T'as pas écouté la 8? Ah, y en a que 6. Ah. Mais j'ai quand même écouté l'ensemble des 3 albums sur la semaine. C'est bien, ça se laisse écouter. J'ai pas été transcendé par ce que j'ai écouté. ça passe, mais ça m'a pas plus que ça chopé en vol, quoi. J'aurais pu acheter l'album en voyant la pochette, vraiment. Ouais. Pendant un temps, j'ai fait ça, je voyais une pochette et putain, c'est trop stylé. Là, je pourrais l'acheter parce que ça m'a pas déplu. Ça m'a pas emballé, mais ça m'a pas déplu, en fait. Donc, ça se laisse complètement écouter, mais... Est-ce que ça sera rentabilisé aussi? Bah, moi, les CD, maintenant, problème, en fait. En fait, je devrais les acheter en numérique, ce serait plus honnête, mais... Ah, mais t'aurais pas la pochette, tu pourrais pas dire « Hey !» Bah, c'est ça. Après, en même temps, ouais. Si c'est pour l'abîmer à force de l'écouter... Mon autoradio, j'ai l'impression qu'il abîme les CD. Ah ouais? Ouais. Bah, abîme ton autoradio. Mais je pourrais plus écouter de CD. Combien de fois j'ai mis des pains en ligne? Bah écoute, on a les problèmes qu'on mérite. Du coup, je te conseille d'écouter, toi qui aimes bien le stoner et... Je crois que c'était plus Doom. Oui, mais justement, toi qui aimes bien le stoner, pour avoir ton avis si tu trouves... Ah d'accord, ça aussi, donc Monolord. D'accord. Voilà, Monolord, voilà. Donc ils vont passer samedi sous la vallée en troisième groupe. J'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire parce que c'est bien sans plus, voilà, donc... Voilà. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a un public. Hein. Bah, c'est ça. Allez plutôt écouter Orden Hogan, ça c'est bien. One Sephirom si vous voulez délirer un coup. Mmh. Voilà. Donc, bah, on a fait le tour de nos six groupes. Mine de rien, on a mis le temps, mais ça a été assez rapide. Ça fait déjà 1h30. Eh bah, tiens. On est dans le timing. Bah, hein. Ouais, totalement. Donc, on va tirer nos nouveaux groupes. Tout à fait. Pour l'émission 18. Ah, l'épisode 18. C'est pas ton préféré, toi? Si. Alors, je pense que ça va être mon préféré. Tiens, est-ce qu'il y a des groupes sur lesquels t'aimerais tomber? Là, j'ai pas l'affiche sous les yeux, donc je peux pas te dire, je m'en rappelle pas. Moi, j'aimerais bien. T'es pas tombé sur Iron Maiden la dernière fois? Je l'avais pas retiré de la liste, donc tu peux encore tomber dessus. Sérieux? Bah, ça serait bien que t'écoutes un peu. Oh, dis donc, tu te calmes. Parce qu'il me semble, la dernière fois, on avait pas vraiment commencé le truc, on avait écouté 2-3 et t'avais pas écouté Iron Maiden. Parce que t'avais dit non, c'est bon, ça compte pas là. J'ai jamais dit ça. Mais... c'est plus ton truc à toi, ça. Attends, quand les premiers groupes, les noms sont sortis, je dis, c'est cool, tu vas devoir écouter Iron Maiden, et tu l'avais pas fait. Ah bon? Ah, c'est pas mon style. Moi, je suis un gars intègre. T'as écouté Iron Maiden cette année? Ouh. Qui c'est qui commence? Ah, le dernier, c'est Corrosion of Conformity, c'est-à-dire c'est toi, donc c'est à moi. Bah non, du coup, c'est-à-dire c'est à toi. Ah bah oui. Du coup. Bah oui, parce que du coup... Pardon, on va regarder. Bah oui, quand même. Exorder. Ah, écoute... Why not, hein? Ben, exactement. Exorder. Très très bien. Ah, tiens. Quoi? Je suis sûr que... Tiens, j'ai même pas besoin de regarder. Tadam! Tu le notes pas? Qu'est-ce que tu marques pas, là? Ah, si, si, mais... Oh, dis donc! Non, mais c'est pour savoir. Je peux passer au suivant? Mais fais donc. Alors, et moi, je vais avoir... Napalm Death, tiens. Cool. J'ai de la chance. Le mec est pas sûr de lui. Oh non, j'aimerais bien que tu tombes sur L7. L7. Ah, j'ai écouté ça il y a longtemps. Mon adolescence. Crowbar, c'est bon ça. Oh, non mais t'as que les groupes que t'aimes toi. Exorder, tu l'as marqué? Ouais. Ouais, c'est ça. Et Crowbar. On en parlait ce soir, justement. Ah bon? Ouais. Parce qu'il a une grosse barbe. Ouais, aussi, ouais. Et parce que je l'ai déjà vu aussi. Ah, d'accord. Turnstile. Don't style? Non, Turnstile, regarde. Turnstile. D'accord. Pourquoi pas? Après tout. Eh. Je suis déjà à deux. Napalm Death, je connais très très peu. Hein. Vraiment. Oui. Non, tu vois pas. Converge. Ah, bah c'est bien, tu connais pas. Je connais. Oui, tu connais, oui. Pas drôle, ça. Non. Oh, non. Misanthrope. Je les ai pas eu l'année dernière. Hein. Peut-être. On devrait avoir un truc qui nous dit. Hein, parce que... Je suis pas du tout à fond. Tu relises alors. The Looking Fear. Eh ben, ça c'est cool. Il va ça. Falloir de la recherche. T'as besoin de revoir Lurking Fear. Lurking, ouais. T'es bon, tu gères? Ouais. Ok. Groupe épique. Qu'est-ce que t'as donc? Regarde. Avenged Sevenfold. Bah écoute, on a déjà dû en parler, mais tant pis, hein. Ça on passe partout. On va oui, exactement. Ça, je pense que c'est un groupe que tu vas aimer. C'est la boule noire. Amorphis, plus qu'on le dit pas en fait. Amorphis, pardon. Oui, c'est faux, faut dire. Power Flow. Bah ouais, écoute, pourquoi pas. C'est un groupe de pop-up. De pop-up. Ou de slam, peut-être. Peut-être qu'ils vont. Miss Piririni, Minigistiridili. Non, c'est Miss Pirigrine. Miss Pirigrine. Miss Pir. Miss bah, Pir. Oh là. Il a prononcé. Tu peux le prendre. Miss. Attends. Miss Pirming. Miss Pirming. C'est ça. Miss Pirming. Ça y est, je l'ai. C'est bon. Miss Pirming. Attends, parce qu'il y a des I, il y a des Y. Il y a des Y qui sont tout mélangés. Miss Pirming. Miss Pirming. Miss Pirming. Maintenant, en fait, ça doit être Miss Pirming. Ah bah oui. Oh, dégueulasse. Miss Pirming, exactement. Oh, on fait des découvertes en direct live. Ah, oui, bah, avec tout le truc moche du mice. Mice Perming, ouais. D'accord. Ah, bah, c'est GG, c'est bien joué. C'est GG. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ah, ah tiens, Tozland. Eh bah, vas-y. Je connais pas. Bah, écoute. Eh bah, écoute, 4-6, eh bah, c'est bon pour moi. Voilà un paquet de surprises à venir. Toc. Bon, bah, voilà. Du coup, on n'a même pas eu besoin de meubler cette semaine. Serait-il qu'on serait en train de devenir des professionnels? Oh. Ouais, ou pas. N'allons pas jusque-là. Non, non, non. Évitons. Alors, d'accord, c'est très amusant ce qui se passer. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est en train de faire un truc chelou. J'espère que tout va bien. Bah écoute, on va voir. Hein. Si ça va pas bien, je pense que je vais chialer ma mère. Ouais. Bah en fait c'est comme si... je te le dis comme ça là, mais j'ai l'impression que c'est en train de réécrire sur l'ancien épisode. Sérieux? Ouais, mais je l'avais effacé pourtant. Bon, on verra bien. Voilà, c'est ça. Bon bah écoute, du coup on vous souhaite à tous une bonne semaine, on vous dit la semaine prochaine. Pour nous ça sera après 22h, hein, mercredi. Voilà. Donc comme d'habitude, on vous aime et on vous emmerde. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. On arrête vraiment comme ça? T'es sûr? Bah je sais pas, écoute, c'était... Ah bah non, mais je sais pas, la dernière fois tu m'as engueulé. Hein. Mais non, mais c'est parce que tu parles de trucs qui n'ont pas de sens, mais là t'as peut-être genre... Non, ça t'allait comme ça. Ah bah je sais pas, moi je tiens pas à me faire engueuler quand même. Non, la dernière fois, c'est, bah, c'est à la limite de me taper. Alors, j'étais écouté du punk hardcore ou un truc comme Du Knock and Blues, là, ça donne dedans. Ok, très bien. Bon, bah allez. Au revoir. Ah, au revoir. Bonne soirée. Carpe diem. Et locomotive. Non, c'est pas ça? Si, c'est leitmotiv. Ah, pardon. Leitmotiv, c'est ça. Je retiens. Et my sperming. La nuit? Là? Tu retiens la nuit? Ah, dis donc. Johnny. C'est ça. Oh, j'ai vu un film de merde. Avec Johnny? Non, bah oui, il est dedans. Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Où j'ai pas compris parce que j'ai plein de... Enfin bref. Ah oui, d'accord, ouais. Non, mais j'ai pas... En plus, il est récent ce film. Ouais. Parce qu'on j'ai pas regardé, j'ai pas osé moi. J'ai pas sauté le pas, tu vois, de me dire. Il est bien parce qu'en fait, on a eu Canal gratos pendant le week-end et on a regardé ça quand c'est passé. Ah non, ça fait baiser. Fais gaffe à ça. Non, mais on a pas payé. Fais très attention à ça. Ouais, mais des fois. Ils disent que c'est gratos. Non, arrête, on n'est pas là. Et au fond... C'est quoi? C'est Live Nation qui est derrière Canal? C'est gratos. Ah bah, je suis sûr que ouais, tiens. Bon, allez, on se casse. Allez. Tchou. Tchou.